charmante radio. Dunamis FM vous ouvre les portes du bonheur. Et le temps s'arrête. Dunamis FM. Je suis le référent d'une doc Amdem Nunga, président fondateur de Dunamis FM pour un esprit d'ouverture, de clarté et recevoir les multiples grâces de Dieu. Faites comme moi, écoutez Dunamis FM. Jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Passer dans son cœur. Les hommes amassent de l'argent et ils s'en vont à Jérusalem, là où mon sauveur fut crucifié. Ils s'en vont comme de grands touristes, mais ils rentrent toujours de pêche. Bonjour à tous, le rendez-vous est encore honoré aujourd'hui avec un petit retard de 13 minutes sur ces ondes de la 94.0 FM Dunamis FM. Nous sommes contents d'être des vôtres. C'est votre émission La Trompette qui sonne. Je suis en compagnie dans ce studio de Frère Achille et de tous les groupes qui vous servent depuis plus de 6 jours maintenant dans votre émission La Trompette qui sonne sur Dunamis FM. Nous émettons depuis Bafoussam, 25 degrés ici dans ce studio. Direction de programme assurée sur l'œil gendarme de Moïse Kanke, à la technique Ecclésias. Nous revenons dans quelques instants. Je vois qu'il se représente comme la croix de Jésus, mais il rentre toujours de pêcheur. Mais où est ta voix? Moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Dans son cœur. Les autres s'en vont dans des musées et ils peuvent bien attraper cette voix, mais ce n'est qu'une croix physique. Et où est celui qui pardonne et y rentre trois fois des pécheurs? Mais où est la voix? Oh, moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et reste le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Merci Seigneur Jésus, car en contact avec ta parole, moi j'ai bien trouvé cette croix. Ce n'est plus une croix physique, et quelque chose se passe dans mon cœur. Quand moi, je n'ai jamais vu un homme qui passe passe près de là, croyez rester le même. Quelque chose qui se passe dans mon cœur. Et 17 minutes dans ce studio. Le code d'accès dans ce studio en direct, c'est le 243 720 206, le 243 720 206. Je n'ai jamais vu un homme qui passe auprès de la croix et reste le même. C'est la musique qui nous a servi, et c'est le thème qui a été développé dans cette musique qui nous a été servi par Ecclésiaste Esso dans ce studio. J'espère que depuis que vous avez connu ce Seigneur Jésus, quelque chose a changé dans vos vies. Frère Achille, bonjour. Bonjour mon bien-aimé frère, et bonjour à tous nos frères et sœurs dans le monde qui écoutent Dunamis FM, surtout du côté de Bafoussam. Nous pensons comme ça à tous ceux-là de Bangou, Bazou, Bashingu, Banganté, pour tous ceux qui sont à Bouda, dans les environs de la Babantou, dans le Honkam, à Babantou, dans tous ces petits villages qui nous écoutent maintenant. C'est la 94.0 FM, Dunamis FM, que vous écoutez, émettant depuis Bafoussam. Alors frère Achille, nous sommes encore au rendez-vous. Aujourd'hui, nous aurons 2 heures à partager ces antennes dans votre émission La Trompette Sonne. Code d'accès par SMS, et les SMS, nous allons les éplucher, et vos appels, nous allons les recevoir dans la deuxième partie de l'émission. Donc dans 1h45 exactement, nous allons recevoir vos appels pour que nous ayons le temps pour éplucher le sujet que nous allons épiloguer, sur lequel nous allons épiloguer aujourd'hui. Donc 676 10 37 83 676 10 37 83, c'est le code d'accès dans ce studio par SMS, ainsi que le 694-35-20-87. Le 694-35-20-87. Nous allons épiloguer sur un thème, un sujet aujourd'hui dont le thème vous sera donné dans quelques instants. Mais avant, saisissez bien, lorsque vous nous appelez, éloignez-vous de votre poste récepteur afin que la communication soit fluide. Vous nous appelez au 243-720-206. Le 243, je répète, 720-206. Je suis le frère Junior de Douala au Cameroun. Et souvenez-vous de code d'accès par SMS. Posez vos questions. Intervenez au 676-10-37-83. Le 676-10-37-83 et le 694-35-20-87. Nous allons aborder ce thème aujourd'hui. Le thème dont nous allons aborder aujourd'hui, c'est comprendre la notion des sacrificatures afin de saisir le plan de Dieu dans l'Église. Comprendre la notion des sacrificatures afin de saisir le plan de Dieu dans l'Église. Alors, plusieurs choses sont faites aujourd'hui. Il y a plusieurs mélanges qui sont faits au milieu de l'Église maintenant, de telle enseigne que les gens ne savent plus dans quelle sauce être mangé, tout simplement parce que cette notion a été perdue. Dieu voulant, ça sera développé sous un autre air ici, dans cette même ville-ci, afin qu'on puisse toucher ce thème-ci particulièrement avec d'autres thèmes sous-jacents. Mais dans ce studio, nous aurons 2 heures de temps à passer pour épiloguer là-dessus. Nous allons essayer, autant mieux que peu, que le Saint-Esprit nous disposera, de parler de ce thème, tout autour de ce thème, et les implications dans l'Église de notre époque, afin que nous saisissions tout ce qui est arrivé au courant des temps, au courant des périodes, et comprendre là où le Saint-Esprit veut diriger l'Église, où le Seigneur Jésus veut diriger son Église. Frère Haché, je retourne à vous maintenant. Frère Haché, avez-vous impression que la notion de sacrificature dont nous allons aborder maintenant est nécessaire pour qu'on puisse aborder? Oui, mon bien-aimé frère, c'est très nécessaire. C'est très nécessaire car tous ceux qui se disent chrétiens ou tous ceux-là qui se disent œuvrés pour Dieu devraient connaître la notion de sacrificature afin de s'intégrer dans ces données-là, afin de savoir comment ça se passe et comment l'exercer dans le bon cadre selon Dieu. Puisqu'il y a beaucoup de choses qui se rencontrent en milieu chrétien aujourd'hui, et plusieurs choses dont on va nommer au courant de cette émission, et dont il y a tout un mélange au milieu chrétien, et les gens semblent prendre ça pour vrai parce qu'on n'a pas saisi cette notion-ci. Oui, bien évidemment. Puis, si déjà on ne connaît pas de quoi il est question, comment on peut connaître comment s'engager. Là, on a deux problèmes. Oui. Il faut connaître ce que c'est et comment s'engager. Oui. Si on connaît ce que c'est, on saura aussi comment s'engager. Par ricochet, on saura comment ça se manifeste et ça se déroule au milieu chrétien. Et le Dieu créateur a un plan pour l'humanité. Il a un plan lorsqu'il crée les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve. Et ce plan-là est censé être suivi par lui. Pour tous ceux qui sont de lui, ils doivent suivre ce plan-là. Tout à fait, tout à fait. Puis nous voyons depuis la Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est un plan qui est en train de se dérouler jusqu'à l'accomplissement à Apocalypse. Oui. Alors si quelque chose s'ajoute, ça ne vient pas de Dieu. Oui. Et si ça quitte, ça fait obstacle, puisque Dieu est parfait et tout ce qu'il a fait est parfait. Oui. Donc, c'est ce thème que nous allons aborder ici, comme le frère Agé vient de le rappeler, Dieu est parfait, tout ce qu'il fait est parfait. Voilà pourquoi c'est très important de comprendre ces choses pour comprendre le plan de Dieu et la direction dans l'église. 12h22, je rappelle que vous pouvez envoyer vos SMS dans la deuxième partie, c'est-à-dire à 15 minutes de la fin de cette émission. À 15 minutes de la fin de cette émission, nous aurons 2 heures de temps à passer ici. Oui, frère Agé, je reviens à vous. Oui, puisque on ne peut prendre autre chose que la parole. Oui. La parole nous édifie et nous donne à entrer dans les profondeurs et la connaissance de la personne du Seigneur et de la manière dont il a établi les choses afin que cela soit enseigné pour l'édification du corps. Oui. On va prendre comme ça le livre d'Éphésiens au chapitre 1 et on va lire du verset 3 à 10 là. Oui, pour trouver ce qui est nécessaire pour l'édification. Éphésiens chapitre 1, je trouve dans ma Bible là. Éphésiens chapitre 1, le verset 3 à 10, il dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu a élu d'avance par... » Je vais vous lire cela. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Verset 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Verset 8. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisant connaître, verset 9, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. De réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Oui, donc nous voyons là, dans votre lecture, qu'est-ce que nous... Oui, déjà nous voyons le plan parfait du Seigneur qu'il a établi dès la fondation du monde. Oui, dans son plan parfait, on voit ce mystère merveilleux qui est de rassembler toutes choses en le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ qui est l'œuvre parfaite du Seigneur. Et c'est en lui qu'est donnée, n'est-ce pas, la connaissance de tous ces mystères. Alors on ne peut que suivre les règles établies par le Seigneur Jésus pour entrer dans la connaissance exacte du mystère du Seigneur qui est caché en le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, le thème abordé dans la trompette qui sonne aujourd'hui est vraiment alléchant. Comprendre la notion des sacrificatures afin de saisir le plan de Dieu dans l'église. Pourquoi ce thème? Parce que beaucoup de choses sont mélangées. Au milieu de l'église aujourd'hui, on trouve des pasteurs avec des soutanes. On trouve ceux qui se disent hommes de Dieu aujourd'hui avec des soutanes. Des dirigeants de l'église ont des habits. Ils appellent cela les habits sacerdotaux en milieu chrétien aujourd'hui. Pourtant, chose étonnante, dans la Nouvelle Alliance, il n'y en avait pas. Ce n'est juste que lui-même n'en avait pas toutes ces choses-là. En milieu d'église aujourd'hui, dans certaines dénominations, on entend encore brûler de l'encens. D'autres boivent encore de l'huile et d'autres encore vendent de l'huile et ils appellent ça l'huile d'onction. Est-ce que dans la nouvelle alliance, il y a l'huile d'onction, frère Achille, dans l'église? Nulle part. Nous n'avons vu aucun de... Comprenant le livre de Matthieu jusqu'à Apocalypse, nous n'avons vu nulle part mentionner l'huile d'onction et aucun des apôtres n'a utilisé l'huile d'onction. Si nous avons vu une seule fois l'huile mentionnée dans les Écritures, je vais dire comme ça, un côté dans l'Évangile et l'autre dans le livre de Jacques. Exactement, dans le livre de Jacques, par exemple, il dit si quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens, que les anciens louent d'huile. On a dit huile et non huile, l'huile d'onction. Il a dit huile. Donc, n'importe quelle huile qui est à notre portée, on loue sur le malade sera guéri. Et dans l'évangile, là, on voit la même chose que les disciples, lorsque le Seigneur Jésus les a ordonné d'aller chasser, d'aller prêcher la bonne nouvelle. Ils sont arrivés, on dit qu'ils oignaient d'huile des malades. Et les malades guérissaient. Voilà les deux seule fois où le mot huile est mentionné dans les Écritures. Donc on ne trouve l'huile d'onction nulle part dans la nouvelle alliance. Mais qu'est-ce que la Bible elle appelle par l'huile d'onction? Parce que c'est pour ça que nous sommes obligés d'expliquer la sacrificature, les notions de sacrificature, pour que les gens puissent comprendre ce qu'on a perdu de vue et comment les pasteurs utilisent certaines notions dont les gens ne connaissent pas pour pouvoir exciper les gens et prendre l'argent. Qu'est-ce qu'on appelle par huile d'onction dans la Bible? Voilà, évidemment, à notre entrée là, nous avons dit qu'il faut connaître ce que c'est afin de connaître comment s'y prendre et connaître comment ça se déroule. Maintenant, tout le monde s'est dit pasteur, et ces mêmes pasteurs prennent des huiles, disaient qu'ils ont des huiles d'onction. En fait, quand nous, le bas peuple, nous entendons onction, on se dit, chacun a son imagination, on pense peut-être que c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose pour acquérir le pouvoir. Or, on devrait regarder l'huile d'onction d'après les Écritures. Allons-y donc dans l'Écriture et voir donc l'huile d'onction pour la voilà, on prend comme ça le livre d'Exode. 243, au livre 720, d'Exode au chapitre 3 206, et 30. 243, donc Exode chapitre 30. Oui. 243, le temps pour moi de répéter le code d'accès dans cette émission. 243, 720, 206. C'est le code d'accès d'appel en direct dans cette émission nous vous recevrons dans cette émission à partir de 15 minutes à la fin de cette émission. Je répète, nous avons 2 heures ici aujourd'hui alors qu'il est 25 degrés dans ce studio. 12h28 minutes. Dans la 94.0 FM, Dynamis FM. Frère, je reviens à vous. Oui, on prend comme ça le livre d'Exode au chapitre 30 à partir du verset 22. Oui. Oui, pour entrer dans la connaissance de l'huile d'onction, connaître d'où vient l'huile d'onction et comment cela a été composé. Oui. Donc, je vais lire là. D'accord. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends les meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, verset 24, 500 cycles de casse selon le cycle du sentier, et un hin d'huile d'olive. On parle de l'huile d'olive là maintenant. Verset 25, tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. Tout à fait. Composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile d'onction sainte. Tu anointeras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums. Verset 28, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Verset 29, tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Verset 31, tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction saine parmi vos descendants. On n'en répandra point sur le corps d'un homme et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle est saine et vous la regarderez comme saine. Verset 33, enfin, quiconque en composera des semblables ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. Amen. Voilà, bien-aimé. Voilà qu'on tombe comme ça dans l'origine de l'huile sainte, dès le fondement. On remarque ici que ce n'est pas un homme qui donne déjà la façon dont l'huile sainte devrait être composée. Déjà, pour vous laisser expliquer, est-ce que ce que les pasteurs appellent par l'huile d'onction dans le Nouveau Testament, aujourd'hui dans l'Église, c'est ce que la Bible nous décrit ici? Mais loin de là, très loin de là, puisque nous voyons exactement que l'huile d'onction dont un pasteur se dit c'est l'huile d'onction ne peut qu'être des huiles dont on ne sait où il a pris ça. Bon, aujourd'hui, les pasteurs vendent l'huile d'olive et ils appellent ça l'huile d'onction. Est-ce que d'après ce que nous avons lu ici, comme le pasteur on devrait y arriver juste là. Ils viennent avec des huiles. Certains ne sont même pas des vraies huiles d'olive, puisque même trouver l'huile d'olive, cela est rare. Ce n'est pas facile de trouver. Oui. Donc c'est eux qui disent que c'est l'huile d'olive et oui. par ricochet ils appellent ça l'huile d'onction et oui. le bas peuple, les croyants acceptent. Et ils ne savent rien de vrai. Oui. Mais maintenant nous voyons ici dans les Écritures le fondement et d'où la provenance d'huile d'onction. Oui. On regarde qu'il ne s'agit pas d'un homme, oui. il s'agit de Dieu. C'est oui. Dieu qui ouvre la bouche et dit et appelle la première fois l'huile sainte et oui. donne les recommandations avec les produits par lesquels on devrait composer. Oui. Et maintenant, ce qui est étonnant dans ce passage d'écriture, frère, c'est que l'huile d'onction ne sert pas à oindre sur un homme. Voilà. Voilà qu'on remarque. Comme nous avons vu dans ce verset 30 et 33. Oui, dans tous ces versets 30 et 33, il dit clair et net que ça ne devrait pas être oint sur un homme. Ça mais ça devait être utilisé pour sanctifier les ustensiles dont on devrait employer. Et consacrer les sacrificateurs. Et consacrer exactement les sacrificateurs qui étaient de l'ordre d'Aaron. Maintenant, en nos jours, un pasteur, évêque, quoi qu'ils sont, disent qu'ils ont de l'huile d'onction. Mais on est surpris que le temple n'existe pas et ils n'utilisent pas l'huile d'onction. Pourquoi? Pour sanctifier des ustensiles. Mais ils disent l'huile d'onction, c'est à guérir les malades. Donc tout ce que vous voulez expliquer là, c'est qu'il n'y a pas l'huile d'onction en milieu chrétien. Il n'y en a pas et il ne devrait pas en avoir, puisque le Dieu n'a pas ordonné. Frère Achille, vous en avez fait une déclaration terrible sur cette émission. Dans cette émission, les pasteurs nous écoutent, les chrétiens nous écoutent. Vous voulez par là dire que les pasteurs là sont des menteurs. Je dirais tout ouvertement que si un pasteur reconnaît être vrai qu'il a l'huile d'onction, qu'il se présente et nous explique là où il prend l'huile d'onction. Le DEC 143 722 106, nous sommes en direct dans ce studio et nous attendons donc la réaction de ces pasteurs qui utilisent donc l'huile d'onction. Et le frère Achille dit dans ce studio qu'il n'y en a pas l'huile d'onction dans la Nouvelle Alliance. Et d'après ce que nous avons lu dans ce livre d'Exode, chapitre 30, les versets 22 à 33, l'huile d'onction est faite d'après une composition avec des proportions bien définies, avec des senteurs, d'aromates. Et on a même parlé d'un hin d'huile d'olive. Donc, oui. C'est en plus de l'huile d'olive, il y a des compositions de certaines senteurs qu'on devrait verser dedans. C'est la composition qui fait l'huile d'onction sainte. Oh oui, avec certaines mesures bien déterminées. Oui. Donc, et si tel n'est pas le cas, ça ne peut pas être l'huile d'onction d'après le Seigneur. Oui. Alors, j'ai dit, si un frère ou une sœur qu'il se rend chez un pasteur et qu'il prend n'importe quelle huile en loignant disant que c'est l'huile d'onction, c'est un menteur. Et que dire de ceux qui vendent ces huiles-là? Ils ont des huiles qui vendent à 5 000, 10 000 et ils demandent aux gens d'acheter une grande quantité et en bois même, grave encore, les gens boivent de cette huile-là en disant qu'on boit comme ça pour les nettoyer. En vrai, d'après les Écritures, oui. tous ceux qui disent qu'ils vendent de l'huile d'onction sont des menteurs, sont des loups ravisseurs, ce sont des entreprises humaines qu'ils ont instaurées pour anarquer le peuple. De l'huile est jetée sur le feu par le frère. Dans ce studio, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit à l'introduction de cette émission que le thème comprendre la notion des sacrificatures afin de saisir le plan de Dieu dans l'Église. Nous commençons à toucher certaines petites notions comme ça. Nous avons touché l'huile d'onction, nous ne sommes pas encore entrés dans la notion des sacrificatures. Donc, déjà, dans ce livre d'Exode, comprenant le plan de Dieu, nous voyons Dieu qui a choisi un homme, Abraham, et qui a parlé de sa postérité, qu'il va hériter, hériter le pays de Canaan, comme on lit dans le livre de Genèse. La promesse a été réitérée par Dieu à son fils Isaac, puis à Jacob. Et Jacob, donc, va en engendrer les 12. Ah oui. Les 12 vont plus tard, à la fin de Genèse, séjourner en Égypte. Plus tard, ils vont rester en Égypte. Et la Bible déclare dans le livre d'Exode de Genèse, les nouveaux rois Pharaon qui vont être suscités en Égypte vont remarquer que les Juifs commençaient à se multiplier et ils ont eu peur que, à force de multiplication ainsi, ils pourront dominer s'il y a des guerres ou bien s'attacher à l'armée ennemie pour conquérir le peuple. Ils vont soumettre donc le peuple d'Israël à la servitude. Cette servitude durera près de 4 siècles et le peuple de Dieu va être opprimé, selon que Dieu avait promis cela dans le livre de Genèse au chapitre 15 à Abraham, serviteur, son prophète et son ami. Alors Israël va être opprimé, oppressé. Ils vont crier à Dieu. Dieu va leur susciter une personne en la personne du prophète Moïse. Moïse sera envoyé au peuple, chez Pharaon, pour retirer un peuple pour qu'il vienne l'adorer dans le mont Sinaï. Au mont Sinaï, donc, des déclarations fracassantes par rapport au plan de Dieu, à ses lois, seront données là-bas. Des instructions, des commandements, des préceptes seront donnés à Israël. Et Dieu dit dans la Bible qu'il a choisi Israël comme un peuple qui est à part, un peuple qui lui appartient, un peuple qui porte son nom. Et à ce peuple donc là, il va donner des lois dont le peuple devait suivre et que ça doit être une image des choses qui vont venir pour présenter le Christ, le Messie. Souvenons-nous, À l'entrée de cette émission, le frère Hachi nous a donné le livre d'Éphésiens, chapitre 1, verset 3 à 10, où nous avons lu que Dieu avait un plan en lui-même. On dit, selon le dessein éternel qu'il avait formé en lui-même, de le mettre en exécution lorsque le temps sera accompli. Mmh. Donc Dieu avait un plan, et ce plan se déroule selon son plan à lui, selon son dessein à lui. Mmh. À un moment donné, et c'est lui qui a dit à Abraham que ses descendants seront étrangers dans un pays, seront esclaves dans un pays, et il va les délivrer par la main puissante. Et c'est arrivé exactement comme ça. Tout à fait. Puis la Bible déclare que ce peuple-là va venir l'adorer là où il a. Après avoir fait ces choses, ils vont venir là-bas pour l'adorer. Mmh. Là, il va susciter donc le prophète Moïse, l'envoyer avec Aaron pour aller délivrer son peuple. Mmh. Le peuple s'est là délivré. Et puis maintenant, nous nous retrouvons dans Exode chapitre 20, où il donne les 10 commandements. Ce commandement-là sera donc donné et illuminé par Dieu comme étant un commandement qui est différent de tous les autres dieux et tous les autres pays. Mmh. En ce sens-là, le Dieu d'Israël est différent de tous les autres dieux qui puissent retirer son peuple par le bras étendu et par la main puissante d'une nation et puis pour lui donner un lieu de repos. Le but de Dieu, c'est de donner à son peuple un lieu de repos. Israël, donc, est un type de l'Église dans certains aspects. Et ces aspects, donc sont manifestés dans la Bible par la régularisation de ce culte donné par Dieu et pour Dieu dans le désert. Mmh. Dans le désert, donc, Dieu va ériger cette notion où il va donner la loi sacrificielle, la loi morale, la loi sur la vie civile. Il va parler, par exemple, par rapport à les lois sur la menstrue, sur la lèpre, comment traiter les lépreux, comment traiter les étrangers, comment traiter les orphelins. Enfin, il y a plusieurs lois qui seront données aux Juifs. Et parmi ces lois, donc, là, il y a des images qui présentent comme ça le Messie qui viendrait racheter l'humanité. Comment, donc, devrait-il observer cela? Dieu s'est choisi un peuple, une tribu parmi les 12, qui sont les 12 fondateurs de la notion de la nation d'Israël, la tribu de Lévi. Et au milieu de la tribu de Lévi, il s'est choisi un homme, Aaron, puisque Aaron est un Lévite également, Moïse est un Lévite, le Merari et autres. Il choisit donc Aaron parmi la tribu de Lévi pour être de la race des sacrificateurs. Mmh. Souvenons-nous, c'est Dieu qui l'a choisi. Aaron ne s'est pas choisi. C'est Dieu qui a choisi le Lévite, c'est pas le Lévite qui s'est choisi comme les pasteurs se lèvent aujourd'hui. Et chacun se lève aujourd'hui. Là-bas, on ne part pas à l'école de théologie dans sous l'ancienne alliance pour devenir Lévite. On est Lévite. On est sacrificateur. Jean-Baptiste n'a rien fait pour devenir sacrificateur. Il est sorti de Zacharie. Zacharie est sorti de la race d'Aaron. Nous voyons effectivement que c'est une dignité on ne s'en érige pas soi-même. C'est la grâce de Dieu. Et ça fait de telle façon que si vous n'êtes pas né sur la descendance d'Aaron, vous ne serez jamais sacrificateur. C'est ainsi que le peuple d'Israël va marcher avec le Seigneur. Donc, je reviens sur la notion de sacrificature, d'abord sur cette alliance. Dieu donc choisit, comme nous avons lu dans ce livre d'Exode, chapitre 30, que vous avez dit. Déjà au chapitre 28, il va parler de le pectoral et de toutes les choses qu'on va construire autour de la sacrificature. Tout est en ordre. Et la Bible, à plusieurs endroits, va dire que Moïse fit d'après ce que l'Éternel avait ordonné. Et Dieu va dire, ordonner à Moïse de faire d'après le modèle qui lui a été montré sur la montagne. Moïse va faire, et quand il va donner les ordres, on va faire exactement tel qu'il avait dit, et c'est exactement ce qui va se passer. Plus tard, nous allons voir Moïse se présenter pour inspecter toute la notion de qui va se passer. C'est toutes ces notions qui vont se passer au courant des déserts. Tout ce qu'on a dit à Moïse, tout ce que le Seigneur a révélé à Moïse de faire, il va inspecter et tout était exact. Les nombres de coudées étaient exacts. La place, le fil de rétors, les efforts et autres, les huiles, tout ce qui était nécessaire en fait pour la sacrificature était là. La notion donc de sacrificature vient au niveau de ceux qui doivent rendre ce culte à Dieu, ceux qui doivent se présenter à Dieu. Et ainsi donc, il est nécessaire à nos chers frères qui nous écoutent maintenant de faire comprendre la notion claire comment Israël est subdivisé. Dieu subdivise donc Israël en trois notions, en trois temps. Il y a le peuple, puis il y a les Lévites, il y a les sacrificateurs. Et ces trois-là sont coordonnés par les rois, les prophètes et le souverain sacrificateur. C'est très important pour la notion que nous avons compris aujourd'hui et pour le thème de demain. Je rappelle donc que demain à dimanche, nous aurons 2 heures d'émission encore à partir de 15h jusqu'à 17h. Et nous allons épiloguer encore d'abord sur un thème qui est connecté à cet autre thème. Donc c'est nécessairement de comprendre ces notions d'aujourd'hui pour que ce soit facile d'assimiler la notion que nous allons voir demain par la grâce du Seigneur. Amen. Donc demain dimanche, sur ces antennes de la 94.0 FM, 15h, 17h, rendez-vous avec votre émission, La Trompette Sonne, ici à Bafoussam Dunamis FM. Donc, Dieu donc va subdiviser donc Israël donc en trois classes bien précises. Il a bien dit que j'ai choisi la tribu de Lévite pour qu'il soit à mon service. C'est pour ça que Lévite n'aura pas de part en Israël, d'héritage en Israël, parce que l'Éternel est son héritage. Alors, un peuple donc est consacré, comme nous avons vu dans ce livre de Exode chapitre 30, un peuple est consacré au service de Dieu. De telle façon que si quelqu'un de la tribu d'Issacar, des Zabulon, de Naphtali ou bien de les Danites s'approchait à la tente d'assignation pour faire cette œuvre-là, la sanction était la mort. Nous avons vu même déjà même dans le sang, dans le cadre des Lévites, il fallait faire les choses telles que Dieu veut. Dans Lévitique chapitre 10, nous voyons le cas de Nadab et Abihu, les deux premiers fils d'Aaron, qui sont venus avec du feu étranger en plein milieu de la tente d'assignation. La Bible déclare que le feu de l'Éternel les a consumés. Donc il faut que c'est pour cela que cette notion, il faut bien qu'on comprenne, qu'on assimile afin de savoir comment servir Dieu, puisque nous sommes entrés dans la réalité des choses, dans la nouvelle alliance. Donc la première alliance donc a une sacrifice, après les sacrificatures d'Aaron. Donc selon l'ordre d'Aaron. Maintenant, dans ces sacrificatures, nous pouvons voir dans l'Exode chapitre 28, dans l'Exode chapitre 28, oui, dans l'Exode chapitre 28, à partir du verset 1, nous voyons au verset 1 et suivant, « Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce, Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. » Verset 2, tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Vous voyez? Donc Aaron avec ses fils avait des vêtements spéciaux qu'il portait. C'est le Seigneur Dieu du ciel qui a un plan derrière. Ce n'est pas Moïse et Aaron qui sont décidés d'organiser un culte dans le désert pour rendre culte à Dieu. Lorsqu'un homme organise des cultes pour rendre un culte à Dieu, la Bible appelle cela la religion. Lorsque Dieu vient vers l'homme, on appelle cela maintenant la relation intime entre Dieu et l'homme, c'est la communion. Alors Dieu dit ici, tu feras à Aaron, dans le verset 2 du chapitre 28 d'Exode, tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité. Donc les vêtements sacrés marquent la dignité. Montre clairement que Dieu a mis cette personne-ci à part. Parce qu'elle a dit, consacré à mon service. À mon service. Et il a cité dans la lignée, que c'est la lignée d'Aaron, à qui ça appartient. Donc, quel qu'en soit le talent de quelqu'un de la tribu de Juda, quel qu'en soit le talent de la tribu de Siméon, de la tribu de Naphtali, de Zabulon, il ne pouvait pas et il ne devrait pas avant s'aventurer là-dedans. Parce que la Bible déclare dans ce livre d'Exode, enfin, Hébreu, que nous allons prendre tout au long de cette émission pour voir effectivement ce qu'il en est, que nul ne s'érige lui-même cette dignité, comme l'a été exactement Aaron. Donc, verset 3 dit, « Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent mon sacerdoce. » On parle donc de sacerdoce d'Aaron. Donc nous voyons effectivement que même ceux qui devaient travailler ces vêtements, il lui fallut qu'ils aient l'esprit de Dieu. Donc c'est Dieu qui a désigné les personnes qui devaient coudre ces habits. Aujourd'hui, d'autres commandent leurs habits en Inde. D'autres encore prennent fin par imitation avec l'habit catholique. Donc nous voyons en milieu chrétien ceux qui portent des habits noirs, d'autres qui portent des habits rouges, d'autres qui portent l'écarlate, le pourpre, le blanc, avec des chapeaux différents, avec des croix, avec Jésus-Christ sur la croix de l'ignominie, la croix de la malédiction, et qui se disent chrétiens. Est-ce que ces choses-là, en milieu chrétien, c'est déjà normal, le frère Achim? Non, pas du tout. On ne peut pas l'admettre, puisque nous voyons déjà que, en fait, puisque la vie chrétienne est déjà ballottée par tout vent de doctrine, chacun s'impose, chacun entre, chacun établit, chacun commence à dire tout cela vient de Dieu. Oui. Or, si nous parcourons l'écriture telle que tu es en train de lire, mon bien-aimé frère, on observe que personne ne s'est jamais levé et s'est proposé à Dieu. Oui. C'est Dieu dans sa bienveillance, dans sa science, qui choisit un peuple, qui parmi les peuples choisit des hommes, et parmi ces hommes il établit ceux dont lui il a trouvé bon d'établir à son service, comme nous sommes en train de voir dans ce livre. Et nous remarquons que le Seigneur Dieu du ciel et de la terre prend soin d'ordonner et de veiller que la chose doit être faite exactement telle qu'il a dit. N'est-ce pas une chose terrible qu'un être humain se décide de s'arranger à servir Dieu comme il veut? Mais c'est là où je devrais arriver. Si on voit que le Dieu vivant prend soin et le temps pour dire quoi, faites ainsi, cela montre directement que ça a du prix à ses yeux. Il ne ferait rien pour rien. Mais maintenant, un homme se lève de lui par son intelligence, se met à faire des choses parce qu'il a vu Dieu a fait, il copie pour dire qu'il entre dans ce même œuvre là, c'est une malédiction. une malédiction. Oui, il porte comme ça un poids lourd sur son épaule sans s'en rendre compte. Voilà pourquoi ils servent Dieu, pas selon Dieu et par conséquent, ils servent le Dieu maman, ils sont cupides. Évidemment, si les instructions, les ordres ne viennent pas de Dieu, tu ne peux pas servir Dieu. Puisqu'il s'arrange à faire... Il faut qu'il te choisisse, oui. Il faut qu'il t'établisse, il faut qu'il te donne l'intelligence pour exercer dans ce qu'il t'attend. Oui. Mais maintenant, si toi, tu t'engages à faire, tu fais sur quelle base? Voilà. Regardes qui et tu fais comment? D'après pour quel plaire à qui? Voilà. Le verset 4 de ce Exode, chapitre 28, nous continuons. Voici, Dieu donne les précisions. Oui. Le Dieu du ciel qui est esprit donne des précisions. Il entre dans les détails. Voici les vêtements qu'ils feront. Un pectoral, un effort, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Et Dieu appelle ça son sacerdoce. Son sacerdoce. Ils emploieront de l'or, des étoffes, teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et de fin lin. Ils feront l'effort d'or et des fils bleus, pourpre et cramoisi. Et de fin lin retors, il sera artistement travaillé. On y fera deux épaulettes qui le joindra par ses deux extrémités, et c'est ainsi qu'ils seront joints. La ceinture sera du même travail que l'effort et fixée sur lui. Elle sera d'or, de fils bleus, pourpre et cramoisi et de fin retors. Nous reprenons aux auditeurs que tout ceci a une signification spirituelle. Nous continuons verset 6, verset 9. Tu prendras deux pierres d'onyx et tu y graveras les noms des fils d'Israël. Six de leurs noms sont sur une pierre et les six autres sur la seconde pierre, d'après l'ordre des naissances. Vous voyez, effectivement, Dieu entre là, et dans Apocalypse chapitre 9, verset 21, nous voyons de telles choses là-bas. Évidemment. Et remarquons ces gens qui se disent être au service de Dieu. Oui. Est-ce qu'ils ont sur leurs épaulettes exactement comme le Seigneur dit, les noms gravés? Oui. S'ils gravent, ce serait le nom de qui? Voilà. Parce que tout ce que le Seigneur met ici a une signification, a une portée à ses yeux. Ça, ce n'est que nous parlons dans de la notion seulement de l'habillement. Ça, oui. C'est déjà grave comme ça. Nous oui. Nous avons touché la notion de l'huile d'olive, de l'onction ici. C'est grave. Nous avons touché la notion des vêtements sacerdotal maintenant, et c'est encore très grave. C'est très grave. Oui. Puisque on voit que le vêtement qu'il porte a une signification. Oui. Et ça a un but, pourquoi il doit le mettre. Ok, dans ce cas, si un pasteur porte le noir, le gandoura noir ou bien le gandoura noir, lors de la Sainte-Seine, comme on voit aujourd'hui, il y a des consécrations. On voit effectivement les pasteurs qui portent des différentes, selon les dénominations et selon les écoles bibliques, ils portent des vêtements spéciaux. Ça peut référer à quoi au juste? Bien aimé, ça pourrait faire mal si on le dit ainsi. Oui. Nous remarquons dans le livre d'Exode que lorsque le Seigneur envoyait Moïse en Égypte, il a été challengé. Oui. On voit bien que Moïse exerçait la puissance de Dieu et les Égyptiens exerçaient la puissance de qui? Ça refait la même chose aujourd'hui. Oui. Si un pasteur n'est pas en train d'œuvrer pour Dieu, il œuvre pour quelqu'un. Oui. Et si Dieu n'est avec lui, forcément, on n'a pas dit autrement, il sait maman. Bon, maintenant, si Dieu peut dire, malgré cela, que Dieu est avec lui, avec tous ces accoutrements que nous voyons et toutes les autres choses, notions que nous allons toucher ici au milieu de la 94.0 FM. Il peut le dire, tout le monde le dira ainsi, je sers Dieu, je sers Dieu. Mais est-ce qu'il y a donc dans la pratique, donc, comme nous sommes de dénoncer, est-ce que la pratique dira qu'il a servi Dieu? Mais plus nous avons la Bible qui rend témoignage de la façon dont on sait Dieu. Si maintenant quelqu'un dit qu'il sait Dieu et que les choses ne sont pas comme donne la Bible, par exemple, l'huile sainte a été dit qu'on trouvera chez un homme et qu'on ne doit pas oindre sur un homme et qu'on l'huile sainte sert à sanctifier les ustensiles et consacrer mais maintenant cet homme a l'huile sainte et il oint sur des hommes. Il appelle ça l'huile sainte. Voilà, déjà, c'est lui qui dit. Déjà, nous avons vu dans la Bible que ce n'est pas l'huile sainte. Oui, il dit qu'il a l'onction et il oint sur des hommes. Ça vient de dire qu'il désobéit à Dieu. Oui. Alors, s'il était serviteur de Dieu, il ferait comme Moïse l'a fait. Parce que l'Écriture rend témoignage de Moïse que tout ce que le Seigneur lui ordonna, il fit ainsi. Mais que direz-vous, frère Achille, des chrétiens qui donnent les témoignages? Parce que nous voyons dans les télévisions de ces pasteurs-là qui, des gens donnent des témoignages qu'ils ont acheté l'huile. Enfin, dans la télévision, ils ne mentionnent pas qu'ils ont acheté. Oui. Ils disent généralement qu'ils sont venus chez papa. Papa leur a donné l'huile. Oui. Parce qu'on les a arrangés à dire les témoignages de cette façon-là. Oui. Pour qu'on ne sache pas qu'on vend l'huile. Mais lorsqu'on vend, on vient, on comprend effectivement que l'huile est à vendre. Mais lorsque ces personnes donnent le témoignage que j'ai bu cette huile-là, des grosses fibromes sont sorties des médecins, je suis allé, j'ai oint sur mon père qui était malade, il était guéri. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ce n'était pas l'huile d'onction. Mais prenons deux cas directs là. On va prendre encore ce même cas d'Égypte et on va regarder un autre cas dans Actes des Apôtres. Oui. Avant que Moïse ne vienne, oui. en Égypte, les gens rendaient témoignage et savaient qu'ils servaient Dieu. Oui. Puisque les miracles que Moïse a produits, ils ont produit. Oui. Et tout ce que, presque deux fois, trois fois, Moïse a par exemple lancé son bâton au sol, oui. qui est devenu le serpent. Eux aussi, ils ont lancé leur part. Oui. Alors, si le vrai ne se présente pas, tu vas croire au faux oui. comme le vrai. Oui. Et on prend le même cas de Actes des Apôtres. On voit ce magicien qui avait longtemps étonné le peuple. Et on rendait ce témoignage de lui que celle-ci, c'est la puissance de Dieu. Oui. Mais, attends, il fallait que le vrai se présente oui. pour qu'on constate que ce n'était pas la puissance de Dieu. Oui. En fait, que c'est un autre esprit qui était caché. Oui. C'est la même chose. Le témoignage, la guérison ne dit pas, ne donne pas la certitude ou l'affirmation que c'est Dieu qui le fait. Parce que ce cas-ci, ce marabout dans Actes des Apôtres, après avoir fait des miracles, oui. ne venait pas de Dieu. Oui. Et si on rendait témoignage de lui, quoi qu'on dirait, ça ne vient pas de Dieu. Jusqu'au jour où Dieu a certifier que voici en réalité dans les ténèbres, il se cache quelque chose. Donc, tous ceux-là qui prennent des huiles et rendent témoignage, je vous rassure, ce n'est pas le témoignage ou la guérison qui donne l'assurance que quelqu'un sait Dieu, mais c'est l'obéissance totale à la parole du Seigneur qui rend témoignage de lui. Donc, oui. voilà ce que l'Écriture présente. Si un serviteur dit est de Dieu, oui. première des choses, les commandements du Seigneur vit en lui. Et il ne fera que les choses dont le Seigneur a prescrit. Mais frère, ça me pousse à poser une question qui me vient à l'esprit. Oui. Le Seigneur Jésus-Christ a laissé, en fait, je ne voulais pas aller sur les nations, mais j'y vais un peu avant de revenir. Mm. Il a laissé ses apôtres avec des instructions claires. Mm. De telles choses qui se font, que ce moment de parler maintenant dans la sacrificature, nous avons vu la notion d'huile d'onction. Mm. Maintenant, nous voyons les vêtements sacerdotaux. Nous allons voir plusieurs autres domaines qui ont été ajoutés, mm. dont le mélange est sorti des païens et puis on a pipé par-ci, par-là dans l'ancienne alliance. Mm. Est-ce que les apôtres du Seigneur Jésus-Christ et les disciples qui ont suivi le Seigneur Jésus-Christ vivaient dans la désobéissance à ses commandements? Bien-aimés frères, le Matthieu au chapitre 28. Je le dis parce que vous semblez dire que aujourd'hui, si quelqu'un dit qu'il sait Dieu et qu'il ne marche pas d'après ces paroles-là, oh. c'est que ça, Dieu ne le connaît pas. Tout donc je vous relance. Est-ce que ceux qui vivent aujourd'hui, comme ils vivent de cette façon, est-ce qu'on a vu dans la Bible les apôtres qui ont désobéi au Seigneur à ce commandement à lui? Non, pas du tout. Nous nous réjouissons de ce que la Bible est là pour nous éclairer. Pour oui. tous ceux qui croient, qui aiment le Seigneur Jésus, ils ont le devoir d'examiner les Écritures. Oui. Et pourquoi examiner les Écritures? Parce que l'Écriture donne la lumière pour connaître la vérité. Oui. Maintenant, on ne voit nulle part dans les Écritures aucun des apôtres qui a marché avec le Seigneur, qui ont marché oui. avec le Seigneur Jésus. Et l'apôtre Paul qui est venu après n'a mentionné ces choses. Oui. Aucun d'eux n'a cherché une tunique différente des autres, bien qu'ils étaient apôtres. Oui. Or, dans ce Matthieu au chapitre 28, le Seigneur a ordonné, a déclaré à ses disciples, allez faites de toutes les nations les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Oui. Alors, l'enseignement des apôtres, c'est ce que le Seigneur les a prescrit. On peut regarder tous les épîtres, on ne voit nulle part. Donc ce que vous allez dire aux chrétiens qui nous écoutent maintenant et à ces pasteurs-là également, c'est que lorsqu'on voyait Jésus, notre Seigneur, avec ses propres disciples, et même après, quand il soit parti et qu'il les a envoyés en mission, ce que tu veux nous faire comprendre, c'est que ceux-là n'avaient pas un vêtement distinctif qui leur permettait d'être séparés de peu. Pas du tout. La preuve tangiblement, le Pierre, quand il déclare dans ses épîtres, il dit, je m'adresse aux anciens, anciens comme moi. Donc, oui. lui-même, il était parmi les anciens. Il n'avait rien de distinct. Oui. C'est dans Actes des Apôtres, seul qu'on mentionne Pierre, Jacques et Jean, qu'on dit qu'ils étaient des colonnes de l'église de Jérusalem. Oui. Lui, ce n'était pas qu'ils avaient un vêtement voilà, est-ce que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre et les autres apôtres dont on a cité dans la Bible avaient des vêtements où si on regardait, on pouvait savoir que voici le grand apôtre Paul, voici le grand apôtre Mais Pierre. C'est là où je revenais qu'aucun d'eux n'avait ces vêtements. Oui. Ils étaient comme tous les saints. C'est par leur conduite qui montrait que ceux-ci ont la connaissance. Parce d'où que vient, d'où vient donc que nous avons non seulement les notions des titres et que nous allons toucher cela aujourd'hui. Oui. On va vérifier les titres qui sont à la nuit puisque nous parlons de la sacrificature. Mm. Je rappelle à nos chers auditeurs ce soir que nous traitons du thème ô combien important comprendre la notion des sacrificatures afin de saisir le plan de Dieu dans l'église. Alors, je reviens à vous. Oui. Est-ce que c'est le fait que les apôtres étaient dans la simplicité, ça ferait dans qu'ils ne soient pas serviteurs de Dieu? Mais pas du tout. Oh, le Seigneur lui-même, il dit que le plus grand parmi vous soit votre esclave. Est-ce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui? Non, pas du tout. Aujourd'hui, le plus grand parmi nous, c'est celui qui domine sur les brebis. Donc, ce que le Seigneur Jésus avait dit dans Matthieu chapitre 20 que vous citez, c'est oui. exactement le contraire qui s'est fait. C'est le contraire. Mais il s'appelle serviteur de Dieu quand même. Et c'est ce qu'ils disent. En fait, nous avons vu que dans les Écritures, chaque fois où un loup ravisseur va se présenter, il ne se présentera jamais au nom du diable. Oui. Il se présente toujours au nom de Dieu. Oui. On a vu ces actes des apôtres avec ce magicien qui faisait des miracles. Il n'avait jamais dit que ces miracles venaient du diable. Exactement. Or, il disait que ça venait de Dieu. C'est pourquoi le peuple était étonné oui. et disait eux-mêmes que ça, c'était la puissance de Dieu. Restons au niveau de dans ces actes chapitre 8 dont vous parlez de Simon le magicien avec l'évangéliste Philippe, juste parce que l'évangéliste Philippe vient là-bas. Oui. La réaction du peuple, on a comme impression que lorsque le faux vient, il inoptise toujours le peuple et le peuple reste sans voix. Et maintenant, le peuple est en train de nous écouter, le peuple de Dieu est en train de nous écouter maintenant. Il voit ces choses sans rien dire, puisque comme on voyait Simon le magicien, personne ne disait rien parce qu'il n'avait pas de discernement jusqu'à ce que le vrai vienne. Okay. Maintenant, est-ce qu'on peut faire cette comparaison entre l'époque de Simon le magicien, le fait que le peuple se laissait séduire et maintenant? Oui, bien sûr, puisque le peuple a déjà une faiblesse. Oui. Le superficiel. Oui. Le peuple a cette faiblesse-ci. Il faut que quelque chose se produise pour qu'il puisse croire. Oui. Et c'est la même chose dans ces actes des apôtres. Oui. Mais maintenant, il y a une chose qui est très importante. Lorsque les disciples sont allés chasser les démons, oui. par l'ordre du Seigneur Jésus, sont rentrés, se réjouissaient en disant « Nous avons fait ceci et ça a marché. » Le Seigneur a dit non. Oui. Ce n'est pas cela qui est important, mais voici ce qui est important, que vos noms soient écrit dans les livres de vie. Oui. Et il continue bien à exhorter le peuple, à leur montrer que les maîtres devraient être soumis. Ils devraient être ceux-là qui se conduisent avec modestie, avec le bon exemple, comme oui. l'apôtre Paul vient et ordonne aussi à Timothée. Oui. Que veille sur toi et sur ton enseignement. Oui. Pourquoi veiller sur toi et sur ton enseignement? Parce que par ta nature, par ton être, tu instruis mieux celui qui t'écoute. Oui. Or, aujourd'hui, le peuple ne regarde pas ça. Le peuple regarde ce qui frappe à l'œil, ce qui est extraordinaire. Et ce qui va leur donner leur solution. Oui, puisque tout le monde veut le tic au tac. Oui. Ça veut dire quoi? Puisque je suis malade et on m'a guéri, oui. que la guérison provient de maman ou de Dieu, je m'en fous. Mon problème, c'est que je sois guéri. Oui. Or, c'est une erreur de faire ainsi. Mais que direz-vous, frère Achille, de ceux qui vont nous écouter maintenant? Ils disent que vous exagérez, que vous cherchez trop. Qu'est-ce que ça a à voir? L'abbé, pourquoi est-ce que c'est important de parler de toutes ces choses? Merci, mon frère bien-aimé, pour la question. Voici ce que je vais dire. C'est très important de fouiller. Pourquoi? Parce que le monde entier est comme de l'eau, oui. comme la mer. Oui. Et dans la mer, quiconque se retrouve en mer doit lever les yeux et vérifier à gauche, à droite pour repérer la partie où la terre se trouve, oui. afin de se plonger pour avoir une direction. Oui. C'est exactement comme ça que le monde se présente. Oui. Or, si quelqu'un dit... Vous êtes en train de trop fouiller. Oui. Celui-là, je dirais qu'il est ignorant. Parce qu'il faut fouiller pour connaître le meilleur. On est à la recherche de la vérité. Oui. La vérité nous donne à vivre une vie avec assurance. Oui. Mais si on n'en a pas la vérité, la vie, on n'a pas d'espérance. Oui. Alors, si il faut qu'on ait de l'espérance fondée sur la vie éternelle, oui. il faut qu'on fouille. On devrait fouiller. Il s'agit là du combat pour sauver son âme. Oui, et lorsque nous lisons justement ce livre d'Exode, chapitre 28, de tout le livre de l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu entre dans les détails, dans les couleurs, dans les mesures, il donne ce qu'on doit être mis, qui doit faire quoi, et il donne la place à chacun. Mm. Les gardiens de seuil, les kérarites, ceux qui devaient porter l'arche, ceux qui devaient démonter la tente d'assignation, comme nous allons trouver le cas de tente. Mais aujourd'hui, on a comme impression que les chrétiens semblent négliger n'importe quoi. On croit que n'importe qui a accès à n'importe quoi, on peut faire n'importe quoi. Est-ce que ce Dieu l'a changé? Non, pas du tout. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui. Qu'est-ce qui arrive donc? Dès lors que les saints, oui. ceux qui sont censés être éclairés par la lumière de la parole, se sont éloignés de la parole, ils ont vendu ainsi leur âme au loup ravisseur. Oui. Tout le monde pourrait le trimballer à tort et à travers. Comme il trimballe aujourd'hui. Oui, comme ils le trimballent, oui. puisqu'ils ont quitté la vérité. Oui. Or, l'Écriture nous montre, par exemple, c'est dans ces actes des apôtres, les chrétiens de Bérée, oui. que eux, ils se levaient et allaient examiner chaque jour la parole, ce que leurs enseignants leur donnaient. Et aujourd'hui, on semble voir comment les chrétiens boivent tout ce qu'on leur dit. Oui, puisque en vérité, le monde est séduit. Oui. Le monde est trempé dans la séduction. Oui. La course à la richesse, oui. La course à la gloire. Oui. Maintenant, personne n'a le temps de comprendre que ce n'est pas la course qui compte, mais c'est la façon de courir. Oui. Si on s'engage à courir sur une distance, par exemple, de 1000 km, avec une vitesse élevé, oui. On ne peut faire 10 mètres. Oui. Mais si quelqu'un connaît le trajet, il s'arrange à marcher, à garder son souffle tout doucement jusqu'à attendre qu'il a 10 mètres devant lui, il déclenche. Oui. C'est exactement la même chose aujourd'hui. C'est parce que les chrétiens n'ont pas compris qu'en vérité, il s'agit d'un combat de la vie éternelle. Qu'on devrait obtenir dans ce monde. Parce que la vie éternelle doit être donnée ici pour qu'on entre dans cette vie-là. Et sur ce, ça veut dire que la notion que nous touchons est vraiment coriace et aussi c'est nécessaire puisque dans ce terme, dans le thème que nous abordons, il faut comprendre toutes ces choses pour comprendre le plan de Dieu. Donc on a comme l'impression que les chrétiens ne comprennent même pas le plan de Dieu pour eux. Ils n'ont point compris. Oui. Et c'est pourquoi je loue le Seigneur de ce qu'il a donné ce thème-là. Oui. Et il faut que par sa grâce, tous ceux qui nous écoutent, ici à Bafoussam et partout dans le monde, que chacun revient en lui-même, qu'il prend conscience, oui. Qu'il commence à examiner. Le monde montre ceci, que la vie et l'enfer, le paradis et l'enfer se trouvent sur la terre, oui. Vivons et mourons. Oui. Ils ont oublié que l'homme est passager dans ce monde-ci. Oui. On est entré, le Seigneur nous a mis dans un corps. Pourquoi ? Pour exercer dans ce monde et après quitter. Oui. Nous sommes venus là pour une mission. Oui. Alors, c'est dans notre corps, le corps physique, qu'on peut agir. Et si on agit bien, on a une direction dans laquelle on va aller. Et si on agit mal, il y a l'autre qui nous attend. Oui. C'est pourquoi le Seigneur Jésus est venu sur la terre pour pardonner les péchés. Oui. Il pardonne les péchés dans le corps. Bon. Parce qu'après la mort, c'est le jugement. Je vous pose la question directe. Oui. Ne détournez pas la conversation. Mm. Nous sommes dans ce studio, nous sommes en direct. Les gens vous écoutent. Les chrétiens qui nous écoutent maintenant, si vous voyez les pasteurs avec des gandouras, c'est-à-dire des habits spéciaux, oui. Avec des marquages de croix sur ça, même les croix gammées et oui. Toutes les autres choses qui donnent des parfums, qui vendent l'huile d'olive, et que ces chrétiens-là voient ces pasteurs, comment devraient-ils considérer, même s'ils prêchent Jésus? Voici, merci mon frère, je vais aller tout droit. Chrétien qui aime le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je m'adresse directement à toi. Si un pasteur se présente, un évêque, un apôtre, qui que ce soit, ayant une tunique différente et n'accepte pas que tu l'appelles ton frère, c'est un loup ravisseur. Un. De c'est deux. Fort, là. Oui, puisque l'Écriture déclare vous êtes frère. Oui. Il n'y a pas de supérieur parmi vous. Un seul est supérieur, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors s'il refuse déjà que tu l'appelles ton frère, il vient de te dire que tu ne lui appartiens pas et vous n'êtes pas la même chose. Oui. Deuxièmement, quiconque a la croix qu'il porte sur lui, une bague sur ses mains, oui. Qui utilise l'huile d'onction, comme ils le disent, pour guérir, pour produire des miracles. Oui. Si tu aimes le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, quitte ce lieu avant qu'il ne soit trop tard. Oui. Car ce sont des loups ravisseurs. Ils ne t'amènent pas à la vérité, mais à la perdition. C'est pourquoi il faut qu'ils produisent des miracles pour vous aveugler. Oui. Afin de vous traîner dans le monde des ténèbres pour régner sur vous. La preuve suffisante, c'est que vous, chrétiens, vous connaissez ces choses en vous. Vous sentez ces douleurs de ce que vous aimez la vérité. Vous voulez qu'on vous conduise vers le berger des brebis. Mais on vous traîne, on vous exploite. Tous les jours, vous laissez vos travaux pour aller, entre guillemets, à l'église, balayer, essuyer les chaussures du pasteur, laver sa place. Vous êtes le même. Vous maigrissez, vous souffrez dans vos âmes. Mais eux, ils se réjouissent. Vous travaillez votre petit pain quotidien qui est censé que le Dieu vivant vous a donné pour vous vêtir, pour garder votre famille, pour garder vos enfants. Vous prenez pour aller donner au pasteur qui dit c'est la dîme. Et vous constatez que lui, il s'enrichit, vous vous appauvrissez. Ça montre là clair et net que eux ne vous conduit pas au pasteur des brebis, mais vous conduit dans les ténèbres afin de dominer et régner sur vous, faire de vous ses esclaves. Je le dis à quiconque écoute cette émission, à quiconque est chrétien, que Dieu, s'il aime le Seigneur Jésus-Christ, qu'il se tourne vers la vérité, en connaissant son Dieu, en connaissant les principes de son Dieu, en connaissant les lois et les préceptes de son Dieu, et qu'il mette cela en pratique, le Dieu du ciel, le Dieu de paix est avec lui. 13h et 4 minutes dans ce studio, nous allons à la technique avec Ecclésias et Sio pour prendre cette respiration musicale et nous revenons tout juste après. C'est Si vous allez dans les écoles théologiques, vous allez apprendre les trois dieux. Je sais que les pasteurs n'aimeront pas ce que je suis en train de dire là maintenant, parce que c'est la source de tes finances. Mes frères, sache que chaque 5 francs que tu auras mangé des frères et des sœurs, Dieu te demandera pourquoi tu as pris cela. Et tu fais cela au nom de Jésus. Tu fais cela pour la gloire de l'Éternel. Frère, ne fais pas cela. Pasteur, la seule. Merci Ecclésiaste Esso. Donc c'était Donne-moi dans Now Unto the King Eternal dans ce studio de la 94.0 FM. Bientôt nous allons aborder la deuxième partie de cette émission exactement à 13h12. Nous allons prendre encore une respiration, une pause pour permettre désormais dans la deuxième partie d'appeler et de poser des questions, d'envoyer vos SMS le 243 720 206. C'est le code d'accès pour entrer, le 6 76 10 37 83, le 6 94 35 20 87. Le SMS nous parviendront ici. Maintenant, frère Achille, avant que nous partions prenons cette respiration musicale, tu es en train de développer cette notion-là pour indiquer clairement aux chrétiens qui n'ont pas besoin de sentiments maintenant, que désormais, s'ils voient quelqu'un, ils doivent savoir si oui ou non cette personne sait la Bible de façon claire ou non. Tout à fait. Et on peut directement prendre le cas de Jean-Baptiste dans la nouvelle, dans l'évangile, les oui. évangiles et la personne du Seigneur Jésus et tous les disciples du Seigneur Jésus. Oui. Jean-Baptiste était un homme qui s'en foutait du monde. On n'a vu nulle part qu'il était dans le désir de la gloire. Si oui. tel était le cas, il devrait être l'ami d'Hérode. Oui. Hérode ne devrait pas le tuer. Oui. Parce que Hérode rend témoignage que cet homme est un prophète dont il connaissait que cet homme défendait le droit chemin. Oui. Mais à cause de sa gloire, à cause de la gloire pour lui, oui. il n'a pas obéi à la vérité. C'est la même chose que nous déclarons ici aujourd'hui. Oui. Le Seigneur Dieu du ciel et de la terre a dit aux chrétiens de vivre dans ce monde comme des pèlerins, oui. des personnes, des voyageurs, en attendant qu'il vient et qu'il nous amène parce que notre monde n'est pas ici. Est-ce que ces chrétiens et les pasteurs que nous voyons aujourd'hui, que nous sommes de décrire ici aujourd'hui dans ce thème que nous abordons, oui. cette notion que nous touchons, est-ce que ce que vous venez de dire, que le nom du Seigneur nous a laissé ici comme pèlerins, est-ce qu'on a comme impression que ces pasteurs ont compris ces notions ou bien est-ce que ces pasteurs prêchent ces notions-là aux chrétiens aujourd'hui? En vérité, c'est que dans ce monde de bazar, il y a le vrai et le faux. Ouais. Maintenant, chaque vrai ne peut que conduire les brebis à être dans le monde sans appartenir au monde. Ouais. Pour qu'ils sachent qu'ils sont pèlerins. Oui. Mais les faux ne cherchent qu'à maintenir les brebis dans ce monde afin de faire de leurs esclaves. Oui. Voilà les deux notions qui se trouvent actuellement sur la terre. Oui. Mais qui quiconque est serviteur authentique du Seigneur, il n'annoncera que les choses du royaume. Oui. Parce que le Jean-Baptiste est venu pour annoncer le royaume. Oui. La bonne nouvelle du royaume, c'est que quiconque croit au Seigneur Jésus a le pardon de ses péchés. Oui. Et il est justifié par le Seigneur Jésus et il marche dans la sanctification. Oui. Pour atteindre l'état parfait dont le Seigneur attend. Oui. Alors, s'il est du Seigneur, il ne peut que prêcher la même chose. Le chrétien normalement devrait connaître sur quoi est basé l'évangile du Seigneur. Oui. Alors en connaissant, parce que l'évangile du Seigneur nous instruit à régner le monde pour s'attacher au Seigneur. Parce que notre monde, le chrétien n'a pas place sur la terre. Sa place est dans les cieux. Oui. Et c'est là où le Seigneur nous attend. Mais maintenant, on doit passer notre épreuve. Oui. Pour être épuré par le Seigneur, pour que nous soyons parfaits, pour être dans l'enlèvement. Oui. Mais tous ceux-là qui disent être les apôtres, quoi, pasteurs, serviteurs du Seigneur, et qui tiennent captifs les brebis du Seigneur et en leur disant que le paradis et l'enfer c'est sur la terre, il faut régner dans ce monde, sont des loups ravisseurs. On ne peut dire autrement, ce sont des menteurs. Oui. Puis s'ils étaient des hommes véridiques, eux devraient être des premiers exemples, comme le Seigneur. On a pris le cas de Jean-Baptiste. Il est venu sur la terre, il n'a point cherché de femmes, ni de gloire, ni de maison, ni acheté des terrains. Oui. Jusqu'à sa mort, il pouvait faire tout cela. Le Seigneur Jésus est venu, il a fait la même chose. Oui. Il n'a cherché ni femme, ni argent, ni or, ni gloire dans ce monde. En fait, dans son épreuve de la tentation au désert, le diable lui a dit que tout ce royaume m'appartient. Oui. Je donne à qui je veux. Prostelle-toi et m'adore, je te le donne. Et c'est ce royaume que certains pasteurs sont des prêcheurs chrétiens, mais d'hériter, qui sont des fils de Dieu, que Christ a renversé Satan et qu'il faut qu'ils prennent possession. Tout à fait. C'est pourquoi je suis revenu là. Le diable, c'est lui qui donne ses témoins. Et le Seigneur n'a pas dit qu'il mentait. Oui. Le Seigneur a seulement dit « Arrière de moi, Satan oui. », puisque ce qu'il disait était la vérité. Oui. Mais il ne pouvait pas comprendre qu'il ne s'agit pas là du règne du Seigneur Jésus, mais c'est devenu prendre ses brebis. Oui. Tel qu'il a dit dans ce Jean 14, qu'il a une demeure dans les cieux. Il va aller préparer pour venir prendre les chrétiens à lui. En effet, le Seigneur est venu pour prendre, pour faire quitter les chrétiens dans ce monde. Oui. Mais quiconque prêche le royaume de ce monde appartient à Satan, car Satan lui-même a dit, il donne à qui il le veut. Mais et son but, c'est fort là, oui, son désir, c'est de maintenir des hommes captifs pour faire des esclaves afin d'être adorés. Donc vous voulez dire là aux auditeurs que ces gens-là sont des ouvriers d'iniquité. Il n'y a pas deux façons d'être. Un serviteur authentique du Seigneur prêche le royaume, prêche l'enlèvement, prêche la sainteté, prêche la tente, Maranatha, la présence, l'arrivée du Seigneur. Oui. Mais quiconque ne prêche pas la sainteté, le royaume, ne prêche pas Maranatha, ne garde pas les brebis, est un loup ravisseur, bien qu'il invoque le nom du Seigneur. Premier mi-temps dans ce studio de la 94.0 FM, il est exactement 13h12 dans ce studio. Nous abordons le thème « Comprendre la notion des sacrificatures afin de saisir le plan de Dieu dans l'Église ». Nous allons prendre une respiration, une pause, puis nous revenons tout juste après pour amorcer la dernière partie de cette émission. Si vous allez dans les écoles théologiques, vous allez apprendre les trois dieux. Je sais que les pasteurs n'aimeront pas ce que je suis en train de dire là maintenant parce que c'est la source de tes finances. Mes frères, sache que chaque 5 francs que tu auras mangé des frères et des sœurs, Dieu te demandera pourquoi tu as pris cela. Et tu fais cela au nom de Jésus. Tu fais cela pour la gloire de l'Éternel. Frère, ne fais pas cela. Pasteur, la seule façon pour toi de réussir, de prêcher la vérité, toi, pasteur qui m'écoute actuellement, toi, frère, qui veux construire ton ministère comme tu dis, sans être envoyé, parce que tu sais très bien que c'est la source pour avoir de l'argent facilement. Va composer le concours si tu as des diplômes pour passer. Si tu n'as pas cela, va travailler. C'est le moment. Plutôt dans nos entreprises, avec les collaborateurs, avec vos employeurs, vos collègues de travail, si vous prononcez le nom de Dieu, vous dites Dieu, ils vont pas, il n'y a pas de problème. Mais si vous dites Jésus, ça pose un problème. Ça dérange, voyez. Alors pourquoi vous ne voulez pas justement comprendre que le nom du Père est Jésus, le nom du Fils est Jésus, le nom de l'Esprit est Jésus, c'est le même Dieu. Pourquoi vous ne voulez pas l'accepter? Nous savons que les pantalons, ce n'est pas un vêtement pudique. Le Seigneur nous demande de nous habiller avec pudeur. Le pantalon, ça dessine les formes de la femme. Non seulement c'est un habillement homme. La parole de Dieu dit dans Deutéronome, chapitre 22, verset 5, que la femme ne doit pas mettre l'habillement d'homme. Voilà pourquoi on a mis la fermeture.

pour que l'achèvement de son église soit complet, afin qu'il vienne la chercher. Tant que nous n'entrons pas dans son plan parfait, il ne reviendra pas. Sommes-nous prêts, église? Maintenant, le décor est planté. Êtes-vous prêts donc à être les historiens du ciel? Que le Seigneur vous bénisse. Dans les studios de la 94.0 FM, nous abordons dans la deuxième partie de cette émission, Frère Achille. Beaucoup de choses, frère Achille, ont été dites dans cet extrait. Beaucoup de notions et qui rejoignent le thème dont nous abordons aujourd'hui. Comprendre la notion de sacrificature afin de saisir le plan de Dieu dans l'église. Beaucoup de choses ont été dites là, parmi lesquelles les choses qui ont été ajoutées, les festivités païennes sont entrées par la suite du fait que les gens ont négligé la parole du Seigneur. On croyait que l'être humain peut y mettre et ajouter n'importe quoi et n'importe quand. Est-ce que c'est normal? Pas du tout. La parole du Seigneur devrait être conservée telle que le Seigneur nous a donnée. Oui. Mais les hommes, en fait, ces hommes se sont levés, les ennemis de notre Seigneur, pour mettre leur part de loi dans ce que Dieu a ordonné. Et ils prennent toujours un peu chez le Seigneur et puis ils ajoutent leur part afin de confondre le peuple. Le peuple, oui. Mais maintenant, le Dieu du ciel et de la terre est vivant. Oui. Il ne laisse point aveugle ceux qui lui appartiennent. Oui. Il donne toujours la lumière afin de les éclairer. C'est pour cela que nous sommes dans la trompette qui sonne. Oui, nous sommes exactement dans la trompette qui sonne pour éclairer, pour illuminer, afin que ceux-là qui se trouvent dans les ténèbres sortent. Oui. Afin que ceux-là qui ont été domptés par le monde des ténèbres se réveillent de leur sommeil, car ils sont dans le besoin. Oui. Maintenant, on revient dans les Écritures, comme on a commencé à poursuivre. Oui. On remarque qu'il y a des points qui ne sont point communs aujourd'hui. Oui. Par exemple, nous voyons les disciples du Seigneur Jésus-Christ vivaient dans la persécution, oui, dans le manque, dans les jeûnes d'éveil, insultés partout. Mais aujourd'hui, on a comme impression que, déjà même que si un homme dit de Dieu, il est persécuté, il prend un avocat. Il prend son frère qui est ministre pour influencer. Ah oui. Donc, la persécution aujourd'hui n'est pas l'apanage des chrétiens. Est-ce que c'est normal? Voilà. Merci, mon frère, de ce que tu m'as relancé. Voilà exactement là où on revient. Où on regarde les Écritures, l'instauration de la vie chrétienne d'après les Saintes Écritures et celles d'aujourd'hui sont différentes. Oui. Un chrétien normal devrait se poser la question. Oui. Est-ce entre-temps, les chrétiens et le monde se sont accordés pour vivre, pour être un? Ça semble être le bien, cas. Ou bien la vérité ne doit plus être prêchée. Avec votre réflexion, oui, dans quelle conclusion en êtes-vous arrivé? Mais je suis arrivé dans le point de comprendre que le monde actuel est sur la puissance des ténèbres. Oui. Tous sont captivés et tous sont domptés. Oui. De ce que personne ne nous accorde même pas une seconde de se réveiller. Oui. La preuve suffisante, c'est que on ne peut entendre des persécutions aujourd'hui. On ne voit aucun pasteur qui est persécuté. Oui. Et nous autres qui déclarons ces choses sur des antennes, on commence à dire cela critique, ceci, ils veulent dire quoi, ils fouillent quoi. En fait, l'être humain dans sa nature a peur. Oui. Vous savez, voici des choses qui se présentent devant nous. Les religieux se sont présentés, ils nous ont dit que si tu lis trop la Bible, tu vas devenir fou. Et si c'est vrai ça? En effet, c'est pour décourager l'homme afin de le cacher la vérité pour le faire croire à la réalité. Oui. Ils savent distinctement que, étant dans les Écritures, l'homme qui est versé dans les Écritures ne peut être aveugle parce que Dieu a donné l'Écriture pour éclairer, pour illuminer l'homme. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre des paroles trompeuse pour l'effrayer. Oui. Si tu lis trop la Bible, tu vas tomber, tu vas devenir fou. Et ils peuvent te montrer directement, tel a lu la Bible pour devenir fou. Aucun être, en effet, qui a été déjà confondu dans la lumière. Oui. La parole, c'est la lumière. Oui. Mais maintenant, dans la vie des chrétiens aujourd'hui, on ne voit pas cette vie, la vie des apôtres. Oui. La persécution, ceux-là qui tiennent ferme dans la vérité. En effet, l'Écriture déclare dans le livre de Jean au chapitre 1 que la lumière est venue dans le monde. Oui. Mais les hommes ont préféré les ténèbres. Alors, s'ils ont préféré les ténèbres, le Seigneur Jésus lui-même a dit parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Alors, dès lors que quelqu'un dit la vérité, les ténèbres vont se lever. Pourquoi? Parce que la vérité ne peut être prêchée sans dévoiler les choses secret des ténèbres. La lumière vient lui dans les ténèbres, tout ce qui était caché est mis à nu. Oui. L'homme, L'homme n'aime pas ces choses. C'est pourquoi nous, on déclare ces choses sur des antennes. Ne vous attendez pas, mes bien-aimés frères et sœurs qui, dans le monde de part et d'autre, que vous êtes trois dans la même, dans une maison et vous entendez la parole de la vérité. Ne vous attendez pas que les trois vont croire. Oui. N'attendez pas que les trois vont approuver que non, voilà la vérité. Pendant que tu sens la vérité dans ton cœur, ton frère dit c'est un fou, il veut montrer quoi, il veut dire quoi. En fait, c'est des paroles qui sont données par l'ennemi dans les ténèbres, oui, afin de confondre des hommes, afin de vous décourager. Mais vous qui connaissez la vérité, tenez ferme. Vous en avez besoin pour marcher dans les voies du Seigneur. Vous direz certainement que on n'arrive pas à lire les Écritures parce qu'on est occupé. Le Dieu du ciel et de la terre a donné un peu d'intelligence à l'homme pour pouvoir s'organiser lui-même. Absolument. De même que tu t'arranges qu'à 12h, 13h, je veux voir telle émission et tu vois. De même, arrange-toi pour lire l'Écriture, pour, oui, lire la parole. Oui. Ce qui est écrit, si ce n'est pas ce qui t'est enseigné, quitte. Ne mets pas ton raisonnement. Ton frère Achille, tu recommandes aux chrétiens de commencer à prendre la lecture. Oui, la lecture biblique dans la main. Oui. N'attendez, ne cherchez pas qu'on vous enseigne. Si vous entrez dans ces écritures, l'écriture elle-même vous va vous illuminer afin que vous détectez le vrai du faux. Pendant que vous parlez ainsi, ça me suscite quelque chose le cœur. Est-ce le fait que, puisque vous avez dit tout à l'heure que, par exemple, qu'au Moyen Âge, on voulait cacher les écritures aux gens. Mm. Mais aujourd'hui, les pasteurs ne semblent pas dire aux gens de ne pas lire, mais ils ont des techniques aujourd'hui pour pouvoir le faire. Oui. Ils organisent beaucoup de programmes, beaucoup de séminaires, beaucoup de choses. D'autres écrivent des livres pour que les gens doivent lire. Oui. Ça détourne de la lecture biblique. Oui, ça tombe très bien. Et je profite pour poser cette question et je vais répondre. Oui. Pourquoi le Dieu du ciel a commencé à compter les jours par le soir et le matin? Ça a une signification. Oui. Parce qu'on voit dans Genèse, là, après la création, il dit 21 soir, 21 matin, il dit, oui, ça fait un jour. Oui. Pourquoi? En effet, par ces petites paroles de l'Écriture, le Seigneur vient de nous montrer que le règne des ténèbres est toujours le premier, oui, et la lumière vient après. Oui. Alors, si on ne saisit pas ces notions, on va être aveugle. Comme tout le monde dit aujourd'hui, quelqu'un se présente, je suis pasteur, je suis apôtre, on l'embrasse, oui, parce qu'on a vu qu'il a produit un miracle, parce qu'on a vu qu'il a invoqué, il a appelé le nom du Seigneur Jésus. Oui. Or, si on comprenait que la première des choses, c'est le règne des ténèbres. Sur la terre, on est dans le règne des ténèbres. Le Seigneur Jésus, en quittant, a dit l'heure de la puissance des ténèbres est arrivée. Et on a vu comment les ténèbres se sont levées contre lui et l'ont crucifié. Oui. Et il l'a quitté, il a dit, vous êtes dans le monde, mais ne soyez pas du monde parce que ce monde est voué au feu, est, oui, dévoué au feu. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Chaque fois qu'on se levera, que la lumière viendra, la lumière ne pourra éclairer que lorsque les ténèbres ont été déjà. Oui. Alors le chrétien devrait prendre garde, oui, pour ne pas embrasser tous ceux qui se disent pasteurs, serviteurs du Dieu vivant, oui, parce que en réalité, il y a deux mondes. Dans ce monde, il y a le monde du jour et le monde de la nuit. Oui. Et le monde de la nuit est toujours le premier. Oui. Et le monde du jour vient en deuxième parce qu'il vient pour achever. Voilà, il vient pour achever. Je prends ces SMS. Nous prenons ces SMS au 676. Les SMS qui nous sont arrivés, je vous avais rappelé dans la deuxième partie, nous prendrons des SMS au 676-1037-83. 676-1037-83. Et le 694-35-2087. Le code d'accès également, le 243-720-206, le 243-720-206. Comme vous allez constater, aujourd'hui, c'est le frère Achille qui tire la sonnette d'alarme sur ses antennes, tandis que le frère Henri assure la réalisation et la transmission de vos SMS dans ses studios. Donc, je l'avais gardé silencieux tout simplement pour les présenter à ce moment-ci. Nous prenons cet SMS qui nous vient d'un frère, le pasteur Hassan de Foumbord. Nous avons bel et bien reçu vos SMS dans ce studio. Bonjour, je dirais que Pierre, Jean et Jacques avaient un vêtement qui les distinguait. C'était la tunique que donnait la vie des sanctifications, pasteur Hassan de Foumbord. Et il dit que Jean, Pierre et les autres apôtres avaient un vêtement qui les sanctifiait. Nous prenons un auditeur au 243-720-206. Allô? Éloignez-vous de votre combiné, éloignez votre combiné ou baissez totalement votre récepteur pour que la communication soit fluide entre vous et nous. Bonjour. Oui, bonsoir, pasteur. Bonsoir. Merci. Oui, vous êtes les bienvenus. Entendre le pasteur s'expliquer sur beaucoup de choses. Et nous, là, nous qui sommes, n'est-ce pas, chrétiens, oui, ou nous qui cherchons à le devenir, oui, on est quelquefois embarrassés. Oui. Parce que quand vous regardez, on explique que telle église ne marche pas comme il le faut. Oui. Tu suis à gauche, on dit ah, là-bas ça ne donne pas. Tu vas au-dessus, ça ne va pas. Oui. Donc comment on fait maintenant? Est-ce que la question qui nous revient chaque fois, oui, est-ce que le Christ avec dans une église véritablement, Christ, Jésus-Christ? Oui. Donc la question c'est, est-ce que Jésus-Christ avait une église véritablement? Vraiment. Oui. Alors maintenant, vous pouvez... avez une véritable église. Une véritable église. Oui, laquelle? Laquelle? Donc, je vous pose une question. Lorsque vous parlez de l'église, puisque vous avez dit que vous sortiez d'un lieu à un autre, est-ce que vous parlez, oui, des lieux de culte ou bien pas? Qu'est-ce que vous entendez par église? Je veux parler des lieux de culte. Lieux de culte. C'est-à-dire, vous allez, oui, comme... dans l'église d'Antampion. Vous entendez ceci. Quelqu'un d'autre qui vient dans cathédrale de la foi, par ici. Oui. Il dit que c'est mieux ici. Oui, le full gospel par là, oui. Ça ne donne pas. Les miracles qui font, on met ça en cause. Oui. On dit les miracles là-même. Ce n'est pas des bons miracle. Oui. Ça vient de maman. Oui. Vraiment, on est où là? Alors, cher frère. Oui. Moi, c'est le frère Junior. On n'a pas eu votre signature. Vous, c'est qui? Et vous appelez d'où? Je suis Léopold de Jérém 4. De Jérém 4. Nous, oui, profitons pour saluer tous les auditeurs de Jérém 4 ainsi que vous également et toute, merci, votre famille. Alors, vous permettez, je vous pose une question pour bien saisir votre pensée. Allez-y, pasteur. Oui, est-ce que vous avez eu déjà à lire la Bible par vous-même pour observer que tous les dérives que nous sommes en train de dénoncer dans cette émission-là, c'est vrai? Oui, quelquefois, quand vous dénoncez là, c'est vrai. Parce qu'on peut lire un passage biblique, oui, et l'expliquer en mille et une façons. Hein? Oui. Et c'est ça même qui détruit les églises. Oui. Parce qu'on n'est pas unanime sur l'explication des passages bibliques. Oui. C'est-à-dire, tu lis tel passage, ton frère donne telle explication, oui, l'autre donne par là. Oui. On ne sait pas l'explication exacte même. Oui. Et le fait qu'il y ait des divisions dans, au milieu de l'église, comme vous dites là, est-ce que ces différentes églises-là, telles que vous voyez sur la place, sur le paysage, est-ce qu'on les retrouve dans la Bible? On ne devrait pas, on ne sait pas dans la Bible. Mais selon vous, quel est le nom, la cause de ces choses-là? Oh, je me dis que c'est la cupidité des hommes, la course effrénée à la richesse. Oui. La course, n'est-ce pas, la mode. C'est-à-dire, oui, il faudrait être, qu'on t'appelle Big Shop, oui, qu'on t'appelle, je sais pas, apôtre. Oui. Pour que tu passes ton temps à voyager, à vivre sur le dos des pauvres. Oui. Voilà, c'est un peu ça dehors. Mais si tu ne seras plus suffisant par ceux, tu vas partout, on acclame, on applaudit, on fait les quêtes. Oui. Qu'on te remet. Oui. Et puis, tu, étant riche, oui, tu penses que tu as Christ. Oui. Oh, ça semble être toute ta gloire là-bas. Oui. C'est-à-dire, tu vis comme ça, ta vie éternelle. Oui. Alors, de toute façon, merci, merci à vous, merci pour votre participation. Nous, votre question est prise en compte. Il est 13h36 dans ce studio, 243. Faites comme lui, faites comme le pote de Jérém 4, 243-720-206. Vous intervenez dans ce studio, nous continuons à recevoir des SMS. Et auditeur en ligne, je crois qu'un auditeur est calé. Non, il est parti. Nous prenons également cet SMS qui nous vient. Merci pour votre éclairage, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Joseph de Quartier Haoussa. Un autre SMS. Êtes-vous contre la dîme? Alors, frère Achille, on pose, un auditeur pose la question. S'il vous plaît, êtes-vous contre la dîme? Il s'est masqué. Êtes-vous contre la dîme? Je suis contre la dîme. Mais ah, si je crois que c'est le même pasteur de Foumban, le pasteur Hassan de Foumban. Vous voulez demander si on est contre la dîme. Je crois, pour répondre à sa question, le thème qui est choisi ce soir, que nous abordons ce soir, comprend la notion des sacrificiers afin de saisir le plan de Dieu dans l'église. C'est une notion qui a été suscitée pour pouvoir bien expliquer les choses. Et demain, rendez-vous à vous sur ces antennes le dimanche, donc demain dimanche, à partir de 15h jusqu'à 18h, nous allons avoir 2h où nous allons toucher ces choses-là, cette notion-là dans l'église. La dîme et l'offrande, comment ça devrait se passer. Donc prenez votre mal à patience, vous entendrez la réponse demain. Nous revenons à ce frère Léopold qui vient de nous appeler maintenant. Il a posé une question. Il dit, est-ce que Jésus-Christ, parce qu'il a vu cet embrouille là, ce que nous décrions sur ses antennes, il pose la question de savoir, est-ce que Jésus-Christ avait une église? Et vous avez suivi, je lui ai posé la question de savoir, qu'appelle-t-il église? Il a demandé un lieu de prière, ou bien comment on voit les groupes de prière aujourd'hui. Est-ce que Jésus-Christ avait un groupe de prière particulier? Que le Seigneur bénisse papa. Déjà papa, vous êtes béni du Seigneur de ce que au moins vous avez été attentif. Mais oui, ce que je vais vous dire là, prenez votre Bible en main. Ah, c'est là la vérité. Oui. Et maintenant, ce qui concerne un lieu de prière, le Seigneur Jésus, dans les quatre évangiles, a montré qu'il marchait avec ses disciples qu'il a choisis. Et il les enseignait la conduite à tenir. En fait, ils étaient dans la voie de la sanctification. Oui. Un lieu de prière, oui, il y en a. Le Seigneur a fait par ses disciples. On voit le fondement d'Actes des apôtres. Oui. Mais maintenant, il faut connaître distinctement ce que c'est que l'église du Seigneur, comme lui-même l'a dit dans Matthieu au chapitre 16, le verset 18 exactement, 17-18, comme il a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour de mon ne proviendront point contre elle. Oui. Donc, il faut connaître d'abord ce que c'est que l'église. Et cette notion, nous toucherons, voilà. Puisque le temps nous tient à la gorge, nous toucherons cela demain également dans la première partie de l'émission afin de toucher. C'est exactement ce que je devrais. Il faut qu'il comprenne. Papa, prenez votre mal en patience et suivez l'émission jusqu'à la fin. Par la grâce du Seigneur, vous serez éclairés. Donc, demain, la trompette sonnera également le dimanche à partir de 15h. De 15h à 17h, nous allons avoir 2h. Nous allons travailler. Donc, le code d'accès, faites comme tous ces auditeurs, le code d'accès 243-720-206. Cette tranche est pour vous. Nous avons dit dans la première partie de cette émission de venir parler sur ces antennes. Je prends encore notre SMS qui vient de nous arriver maintenant sur la direction de notre réalisateur aujourd'hui, le frère Henri. Bonjour, l'émission est vraiment intéressante. Je suis gêné du fait que demain, je ne pourrai vous écouter. Je ne pourrai vous écouter car je serai au groupe d'édification biblique. Est-ce que l'émission de demain 15h est rediffusée? Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je crois que la réalisation, la rediffusion de l'émission de dimanche, c'est certainement mardi. Donc, soyez à l'écoute sur les ondes. Je crois que nous avons encore un autre SMS. C'est Ulrich de Chang. Ulrich, bonjour à toi et à toute ta famille, ainsi que tous ceux-là de ce côté-là qui aiment le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous revenons ici dans ces studios pour continuer avec notre thème. Vous pouvez réagir alors qu'il est 13h40 dans ce studio. Le thème abordé, c'est comprendre la notion des sacrificatures afin de saisir le plan de Dieu dans l'église. 6 76 10 37 83 et le 6 94 35 20 87 sont les codes d'accès par SMS et le 243 720 206, vous appelez et vous avez l'accès en direct dans ce studio. Alors frère Achille, oui. nous dans la première partie, j'ai commencé à expliquer la progression du plan de Dieu, parce que dans l'entame de notre émission, nous avons lu Éphésiens chapitre 1, les versets 3 à 9, 10 que vous avez proposé. Oui. Nous avons vu que Dieu avait un plan en lui et que lorsque le temps serait marqué, il devrait mettre en exécution ces choses-là. Oui. Il a commencé en expliquant cela par les images et l'image a été prise comme étant Israël. Dans l'ombre, il a pris Israël, il a érigé en loi. Oui. Et nous remarquons donc que dans la loi, comme j'ai expliqué, que la nation d'Israël a été subdivisée. Il y avait le roi, le sacrificateur et puis le peuple. Le peuple ne devait pas s'approcher de la sacrificature parce qu'un peuple avait été choisi, le peuple de la tribu de Lévi. Et dans la tribu de Lévi, il y a un autre groupe qui a été scindé là-bas. Les sacrificateurs seront l'ordre d'Aaron. Oui. Ces sacrificateurs seront l'ordre d'Aaron étaient ceux donc qui présentaient donc le sacrifice pour les péchés des peuples. Donc en toile de fond, nous avons dans l'ancienne alliance. Enfin, deux sacerdoces. Il y a l'alliance, la sacerdoce de Madianite sous la conduite du beau-père de Moïse, dans la sacerdoce Madianite. Mais nous parlons spécifiquement des deux principales alliances, des deux principales sacrificatures qui s'y trouvent dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, l'ancienne et la nouvelle alliance, que nous allons expliquer les ressemblances maintenant. Ouais. Donc, dans l'ancienne alliance, nous avons donc l'ordre d'Aaron qui est dirigé sous cette houlette-là dans la notion juive. Oui. C'est eux qui rendent culte, qui servent dans la loi. Dans le temple avec les sacrificatures telles que nous avons vu. Et de même, plaise à Dieu, nous allons continuer les droits de ces sacrificateurs, comment ça devrait se passer, et voir la similitude ou bien les différences avec la nouvelle alliance. Mais nous voudrons aborder dans une certaine progression maintenant, en voyant que dans cette alliance, il y a trois choses qui se retrouvent dans la nouvelle alliance, mais cette fois-ci différenciées. Dans l'ancienne alliance donc, nous avons trois choses et nous ne pourrons pas parler donc de ces choses-là sans toucher ces notions-ci. Voilà pourquoi, en touchant ces notions, nous allons toucher et comprendre le pourquoi dans l'église et pourquoi les dérives sont arrivées. Donc, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, nous allons voir les tabernacles dans le désert et plus tard le temple lorsqu'ils seront entrés dans le pays de l'Égypte. Tout à fait. Et dans ces temples-là, donc, sont des sacrifices qui sont donnés. Parce que qui dit temple dit sacrifices qui sont donnés. Et puis, par la suite, pour que les sacrifices soient donnés, il faut qu'il y ait les sacrificateurs. Donc, il y a la notion, trois notions dans l'Ancienne Alliance, sacrificateur, sacrifice et temple. Et les sacrifices ne pouvaient pas être donnés par n'importe qui. Tout à fait. Seulement par la descendante d'Aaron, y compris les tribus de Lévi, qui étaient chargés, qui étaient connectés à eux pour les aider dans leurs tâches. Et chacun devrait faire son service. Les Kehadites qui étaient chargés les fils d'Asaph qui étaient chargés de faire le chantre, comme chantre au milieu de l'église, ne pouvaient pas faire autrement que de chanter devant l'âge du Seigneur. Ils ne pouvaient pas aller là où les Kehadites se trouvaient et les enfants de Merari. Nous voyons effectivement que les enfants d'Aaron ne pouvaient pas laisser la sacrificature en offrant la dignité qui leur a été accordée pour aller prendre la place, le gardien de seuil, comme les fils de Kehat le faisaient. Et donc nous voyons que chaque personne était à leur place. Et nous avons vu dans le livre de 1 Chronique comment David plus tard va aller prendre l'arche des Philistins. Il va prendre comme ça, raboter, et n'importe qui va aller porter l'arche, et Uzza va être frappé. Et plus tard, il va réitérer maintenant, appeler tous les sacrificateurs de se sentir d'aller porter l'arche, en disant que nous n'avons pas cherché Dieu la première fois, et un homme en est mort. Il a compris maintenant qu'il fallait chercher Dieu selon sa loi, selon sa parole. Ils sont revenus à la parole. Pour nous montrer que lorsqu'on ne cherche pas Dieu selon sa parole, on va toujours à la dérive. On va subir. Alors, dans l'ancienne alliance, donc, nous sommes au pas de la course. Là, nous allons continuer cette notion ce demain dans la première partie avant de chuter avec la notion que nous allons aborder demain, plaise à Dieu. Et nous allons toucher les dîmes comme le frère a dit dans son SMS. Il est 13h44 minutes ici. Dans quelques minutes, nous serons partis de ce studio de ce merveilleux studio de la 94.0 FM, Dynamis FM, émettant des Bafoussam. Donc, les trois notions qui sont abordées dans l'Ancien Testament, les trois principales notions sur lesquelles le sacerdoce est basé, les trois notions sont le temple, ou bien le tabernacle quand nous sommes dans le désert, et plus tard quand ils sont entrés dans le lieu de repos que Dieu leur avait accordé, dans ce lieu au pays Canaan, à Jérusalem, a été érigé plus tard un temple où Dieu a fait résider son nom. Cette notion-là doit être également abordée dans cette émission, dans l'émission La Trompette qui sonne. Alors, il y a donc la notion du temple, la notion des sacrificateurs, donc il y a les sacrificateurs qui travaillent dans un temple pour offrir un sacrifice. Donc trois, sacrificateurs, temple, sacrifice. Dans la Nouvelle Alliance maintenant, chose curieuse, dans la Nouvelle Alliance, le temple se réfère au Seigneur Jésus-Christ et aux chrétiens. Nous lisons dans le livre d'Hébreux chapitre 9 que Christ s'est offert lui-même une fois pour toutes. Donc le Seigneur Jésus-Christ est le sacrifice ultime. Donc le Seigneur Jésus-Christ est le sacrifice ultime. Les chapitres 7 et 8 parlent du Seigneur, du même Seigneur Jésus-Christ comme étant le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchizedek. Alors, les auditeurs peuvent nous appeler comme ça sur ce numéro, les numéros de SMS, pour demander tous les renseignements, ou bien pour demander le renseignement par rapport au moment où les rediffusions sont passées sur ces antennes. Donc au 676 10 37 83, le 694 35 20 87, vous pouvez appeler non seulement pour avoir des renseignements, pour demander les différents moments des rediffusions de cet enseignement sur ces ondes-ci. Donc je disais donc que sur l'ancienne alliance, il y a la notion de sacrificature, la notion de sacrificateur, de temple, puis des sacrifices. Donc les sacrificateurs travaillaient dans le temple pour offrir des sacrifices. Dans la Nouvelle Alliance, le sacrifice ultime qui a été offert une fois pour toutes, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Le sacrificateur par excellence dans la Nouvelle Alliance, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. On l'appelle le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Pour montrer que l'ordre a changé, ce n'est plus selon l'ordre d'Aaron. Ce n'est plus selon l'ordre d'Aaron. Et Hébreux chapitre 7, chapitre 8, chapitre 9 jusqu'au chapitre 10 sont on ne peut plus clair pour le développement de ces choses-là. Puisque dans le chapitre 11, chapitre 7, les versets 11 à 18, la Bible nous déclare clairement que le sacerdoce a été changé. Le sacerdoce étant changé, il y a introduction d'une nouvelle, d'un nouveau sacerdoce, d'une nouvelle alliance. Et nous ne sommes plus sur cette pédagogue-là, comme le livre de Galates chapitre 3 le dit. Donc nous voyons effectivement que ces sacerdoces-là, comme le dit Paul dans le livre d'Hébreu, il dit clairement que cela a été mis pour un moment donné. Ces choses-là, c'était le Saint-Esprit montrait par là que la voie très sainte n'était pas ouverte, le voie n'était pas ouverte, l'accès n'était pas ouvert tant que les choses étaient encore temporaires, tant qu'on était sous la chose temporaire. Et l'apôtre Paul dira dans Philippiens chapitre 3, le verset 3, que les vrais circoncis, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit. Alors que là-bas, il s'agissait des gens qui faisaient des rituels charnels. Et ces rituels charnels, dit la Bible, étaient l'ombre pour présenter Christ qui devait venir. Donc nous nous retrouvons maintenant dans un méli-molé maintenant où les gens ont pris et l'ancienne alliance, et la nouvelle alliance, et les alliances diaboliques des païens, et mélangées avec les choses de Dieu. Pourtant, comme nous avons vu au départ, Dieu a un plan et ça se fait de façon progressive. Et Dieu tient compte du fait qu'il a dit qu'on fasse d'après le modèle. Dans le Nouveau Testament, la Bible déclare qu'on n'ajoute rien, qu'on ne retranche rien. La même façon qu'on l'avait dit à Moïse, lorsqu'il était un serviteur fidèle sur sa maison. Et Christ, dans la Bible nous dit que le Seigneur Jésus a été établi comme fils sur sa maison, alors que Moïse est serviteur. Et la Bible déclare dans Hébreux chapitre 6, chapitre 3, verset 6, que sa maison, c'est nous. Donc Christ est le fils sur nous sa maison. Dans l'ancienne alliance, la maison était donc représentée comme le temple ou le tabernacle où Dieu tabernaclait dans le désert auprès du peuple d'Israël. Donc en résumé, l'ancienne alliance a le temple, le sacrifice et les sacrificateurs. La nouvelle alliance a ces trois notions maintenant, mais plus physiques. La nouvelle alliance a le sacrificateur comme le souverain sacrificateur Jésus-Christ. Il a le sacrifice qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et il a le temple qui est le Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre de Jean, chapitre 2, verset 19 à 20, la Bible déclare qu'il a dit « Détruisez ce temple-ci et en trois jours, je le relèverai. » Les Juifs ont commencé à murmurer en disant qu'il a fallu 46 ans pour détruire ce temple-ci. Eux, ils parlaient du temple qui était à Jérusalem. Le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit nous dit au verset 20 et 22 qu'il parlait du temple de son corps. Du temple de son corps. Donc le Seigneur Jésus-Christ est le temple où Dieu a fait résider son nom. Il a plu à Dieu. La Bible déclare que toute plénitude de Dieu habite corporellement en lui. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Parce que le temple était le lieu de réconciliation entre Dieu et les hommes qui venaient offrir du sacrifice. Et Jean-Baptiste dira de Jésus-Christ dans Jean chapitre 1, verset 25 et suivant, que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Hébreux nous présente effectivement comme le sacrifice du Seigneur Jésus qui a été offert une fois pour toutes pour amener les gens à la perfection. En expliquant justement en parallèle l'Ancien Testament en disant que les sacrifices qu'on offre chaque année rappellent le souvenir du péché, ne pouvaient pas amener l'assistance à la perfection, ni purifier la conscience du péché, puisque ce même sacrifice-là qu'ils offrent une année encore rappelle le péché d'année d'avant. Alors la Bible déclare au chapitre 10 que Christ est apparu une seule fois pour toutes et il a amené la perfection tous ceux qui sont sanctifiés. Et la Bible déclare que c'est en vertu de ces 100 dons-là que nous sommes sanctifiés aujourd'hui. Il a offert ces 100 une seule fois pour toutes et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux célestes. La Bible déclare qu'il est plus élevé que les cieux. Quel Dieu nous avons à servir. Le Seigneur Jésus dit, il est dit de lui dans Éphésiens chapitre 4, verset 3 et suivant, que étant monté, il a amené le captif. Mais avant de monter, il est descendu afin de remplir les cieux et la terre. Il a rempli tout, il remplit tout à nous. Le Seigneur Jésus Christ, il est descendu plus bas que la terre, remonté plus haut que la cieux que les cieux. C'est le Seigneur Jésus dont c'est les questions. Donc le Seigneur Jésus est en même temps le sacrificateur, le temple et le sacrifice. Alors que dans l'ancienne alliance, il y avait les sacrifices qui étaient des boucs. Et ces boucs-là le représentaient. Le temple le représentait, le sacrificateur le représentait. Et il se pourrait donc que dans la nouvelle alliance, les chrétiens sont ces trois types-ci exactement. C'est là où nous allons sortir avec la notion de l'église, frère Achim. Les chrétiens dans la Bible sont appelés dans le livre de Romains chapitre 6, verset 11 et suivant, jusqu'au verset 13 particulièrement, à offrir son corps. Dans le Romains chapitre 12 également, verset 1, je vous exhorte donc, frère, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc à leur tour, puisque ça ne pouvait pas être le contraire, puisque les chrétiens et Christ sont un, à leur tour, les chrétiens sont des sacrifices à Dieu. À leur tour, les chrétiens sont des sacrifices à Dieu. À leur tour, les chrétiens sont des sacrifices à Dieu. Je répète pour que vous entendez cette notion. Les chrétiens sont des sacrifices à Dieu. De telle enseigne que, dès maintenant, ce chrétien n'a plus de sacrifices à faire passer. Le chrétien n'a plus de sacrifices à faire passer. Dès maintenant, le chrétien est le temple, de même que Christ est son temple. La Bible déclare dans le livre de 1 Pierre, 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 10, que tous les chrétiens connaissent sans exception que votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est écrit ainsi, que le corps du chrétien est le temple du Saint-Esprit. C'est pour ça que la Bible déclare dans ce livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19, glorifiez donc, vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Parce que Dieu a décidé de faire de notre corps maintenant son lieu de résidence. Comme il tabernaclait dans le temple à Jérusalem, de la même façon, il veut tabernacler maintenant à nous. C'est pour ça que Christ est le temple, nous sommes le temple. Christ est le sacrifice, nous sommes des sacrifices. Et par la suite, maintenant, il manque la dernière notion par rapport aux chrétiens, les sacrificateurs. La Bible nous déclare dans le livre de Pierre que nous sommes un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Donc nous ne sommes plus sur la sacerdoce lévitique. Non. Nous ne sommes pas selon la classe d'Aaron. Que non. Nous sommes d'après le sacerdoce Melchisedec. Et à deux reprises, la Bible déclare dans le livre d'Apocalypse au chapitre 5, les versets 10 particulièrement. La Bible nous dit effectivement que Christ a versé son sang. Il a racheté pour Dieu son Père des hommes d'entre toute la terre. Ils seront les sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc les sacrificateurs, les chrétiens sont des sacrificateurs. Et sur ce donc, dans le cordon de Christ, il n'y a pas un sacrificateur plus grand que l'autre. Parce que nous avons vu dans l'ancienne alliance que les sacrificateurs, selon l'ordre d'Aaron, il y avait un souverain sacrificateur et le reste était les sacrificateurs. Et dans le sacrificateur, selon l'ordre de Melchisedec, il n'y a qu'un seul souverain sacrificateur, le Seigneur Jésus-Christ. Car il est dit de lui, dans le psaume 110, que tu es fait souverain, tu es fait sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. On lui a érigé cela en loi. On lui a érigé cela en loi et c'est pour toujours. Il est encore vivant pour intercéder. Donc suivez très attentivement. Dans l'ancienne alliance, Aaron ne s'était pas choisi pour être souverain sacrificateur. Ses fils ne s'étaient pas choisis pour être des sacrificateurs. Dieu les avait choisis ainsi. De la même façon, dans la nouvelle alliance, le Seigneur Jésus ne s'est pas érigé lui-même. Il dit que lui a été fait cela par ses mains. Et tu es sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Et nous tous qui sommes issus donc de lui, nous tous qui sommes issus de lui, nous sommes des sacrificateurs comme les fils d'Aaron l'avaient été jusqu'à ce que la loi fût abolie à la croix par le sang du Seigneur Jésus-Christ. La loi sacrificielle fut abolie. Donc le Seigneur Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. Et tous les chrétiens, sans exception, mon cher ami, pasteur, tu n'as rien de spécial en plus que d'autres chrétiens. Le frère Cher, c'était aujourd'hui 1 Pierre chapitre 5 qui dit, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre citant, donnant des conseils aux anciens, il a dit que voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Les anciens sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin de la souffrance de Christ et de la gloire qui sera manifestée. Percez le troupeau de Dieu qui vous est échu, non pas comme dominant sur eux. Donc, nous voyons effectivement que dans la nouvelle alliance, cette notion est très importante pour comprendre maintenant le fonctionnement et le plan de Dieu dans l'église. Parce que beaucoup de personnes, les pasteurs ont commencé à monter sur des estrades maintenant. Ils ont érigé leur nom au niveau des révérends. Titre qui est réservé uniquement au Dieu du ciel. Ils ont commencé à se faire révérer, donc à aller faire adorer. Donc vous tous qui m'écoutez maintenant, si vous vous êtes fait appeler révérend pasteur, révérend docteur, révérend n'importe qui, vous venez de prendre la place du Seigneur Jésus-Christ parce que c'est lui seul qui est le digne d'être révéré. Ça c'est un. La notion de révérence vient directement de l'adoration, de la vénération. On n'aura pas vénéré quelqu'un sur la terre ni l'adoré. C'est le Seigneur Jésus-Christ seul qui est digne d'être loué, digne d'être adoré parce que c'est lui seul qui a été là pour notre rachat. Ça c'est la première notion. La deuxième notion c'est qu'il n'y a pas de division dans le corps de Christ. Nous sommes un seul, Christ est élevé. Colossiens chapitre 1 nous dit clairement au verset 18 que Christ est la tête de l'église. Il n'y a pas deux têtes dans l'église. L'église n'est pas bifalée, non. Non, bicéphale, non. L'église n'en est pas. C'est Christ seul qui est la tête. Il communique les différentes grâces à chaque membre selon les parties, selon les plans qu'il a prévus pour cette notion-là. Donc le pasteur n'est pas différent d'un autre pasteur. Le pasteur n'est pas différent de l'apôtre, ni de l'ancien, ni des chrétiens. Ce sont des grâces différentes. La Bible déclare que chacun met au service des uns et des autres les grâces, les dons qu'il a reçus des uns et des autres. Donc le fait que tu sois simple chrétien ne fait pas, comme on dit, aussi simple chrétien, ça m'étonne même de cette appellation. Ça ne fait pas de toi différent du pasteur. Les gens vont chez les pasteurs aujourd'hui, se prosternent, se couchent, nettoient les pieds des pasteurs. Et il y a des pasteurs donc, comme le frère Achille le disait, qui ne peuvent pas se faire, qui n'aiment pas qu'on les appelle frères. Si vous vous appelez frères, ça fait donc que vous êtes rebelles, vous avez un manque de respect. Pourtant, Christ notre Seigneur a dit clairement que vous êtes tous frères. C'est la notion. Nous voyons effectivement que l'apôtre Paul écrit en disant que le frère Timothée, le frère Cécile, le frère Apollos, ainsi de suite, il s'appelle frère. Nous prenons cet SMS, salut pasteur. Que pensez-vous du pasteur qui donne des parchemins à l'église pour faciliter la lecture biblique et au moment de la scène tout le monde est habillé en blanc? Non mais c'est quand même terrible. Salut pasteur, je crois que le frère va nous répondre. Salut pasteur, que pensez-vous du pasteur qui donne des parchemins à l'église pour faciliter la lecture biblique et au moment de la scène tout le monde est habillé en blanc. Qu'est-ce que le frère Achille, la question vous est adressée. S'il vous plaît, signez vos SMS. Nous sommes le frère Achille dans ce studio. Le frère Junior à la réalisation, à la mise en onde de cette émission Ecclésiaste et Sceaux. Sur le gendarme et l'écoute gendarme de Moïse Kanke. Frère Achille, allez-y, répondez. Oui, bien-aimé, sa question est très bien posée. Seulement, voici quelque chose qui est clair, bien-aimé. Si tu prends le livre de Josué au chapitre 1, tu lis exactement le verset 8. Le Seigneur a ordonné là que c'est uniquement l'écriture qu'on devrait lire. Oui. Pourquoi il l'ordonne? Parce que il se révèle à chacun comme il veut, quand il veut. Oui. Maintenant, quand un pasteur donne le parchemin pour faciliter la tâche de l'écriture. Pourquoi faciliter alors que la Bible est écrite? Ah, exactement. Je dis, quand il donne un parchemin pour faciliter, en fait, faciliter, c'est ce qu'il vous dit. En fait, c'est pour vous aveugler. Pourquoi il vous fait uniquement croire à ce qui lui a été révélé? Oui. Et par contre, vous ne pouvez pas avoir votre relation et votre intimité avec Dieu. Oui. Dieu n'ordonne à aucun pasteur d'apporter le parchemin dans son assemblée. Oui. Pour faciliter la tâche de l'écriture. L'écriture est donnée aux pauvres, du plus petit au plus grand. Oui. Chacun y va et trouve son compte. Et là, du coup, au moment de la scène, il demande à tout le monde apporte le blanc. C'est encore une abomination directement. Non, mais le blanc symbolise la pureté, frère. Non. On n'ajoute rien à la parole du Seigneur. Tel que c'est clair, tout ce qui est ajouté à la parole du Seigneur vient du diable. Oui. Alors, si le Seigneur n'a pas instauré qu'on se met en blanc. Oui. Bon, mon cher ami, je te conseille de lire rapidement là Matthieu au chapitre 26, Marc au chapitre 14, Luc au chapitre 22 et Jean au chapitre 13. Oui. C'est là où on parle de la Pâque, de la Sainte Cène. Oui. Regarde là si tu vois les disciples avec des tenues blanches. Regarde, un des autres qui a une tenue différente. Nous rappelons à ces auditeurs que les enseignements sont en stock pour eux gratuitement, qu'ils appellent les numéros qui sont leur sont disposés par SMS, ils appellent, ils envoient un SMS, ils auront les enseignements gratuitement ou bien tout simplement les récupérer sur le site internet www.reveille-toi en un seul mot.besaba.com Besaba, B-E-S-A-B-A, ou bien vous allez sur YouTube, vous tapez l'onglet Bamba Iba Bamba, B-A-M-B-A espace I-B-A, vous allez avoir tous les enseignements là-bas, téléchargeables gratuitement. 1h58 maintenant, nous prenons une respiration musicale, les amis de David. sauveur aujourd'hui. Il a souffert afin de te délivrer. Cher ami, tu ne pourras regretter. Il te réserve le bonheur et le repos. Viens à Jésus, le Rédempteur. Viens à Jésus, le Libérateur. Viens à Jésus, le Prince de la vie. Si nous vivons encore demain, sois prudent, confie ta vie à Jésus, alors tu passeras de la mort à la vie. Viens à Jésus, le Rédempteur, viens à Jésus, le Libérateur. Seigneur Jésus-Christ, notre Libérateur, qui nous a effectivement libérés à la croix, par sa croix et par son sang. Nous voyons la notion de la sacrifice, comprendre la notion de sacrifice afin de saisir le plan de Dieu dans la Bible. Petit à petit, frère Achille, nous voyons maintenant poindre à l'horizon certaines notions. Nous avons vu à la première partie de cette émission le fait que les pasteurs ont commencé à coudre les habits, à voir des habits sacerdotaux, alors que dans l'Ancien Testament ça se trouvait, mais jusque-là, il y avait des significations. Il y avait la façon de coudre, mais aujourd'hui nous voyons chaque pasteur, selon l'école pastorale, toute chose à sa part. Nous avons vu également la notion de l'huile d'olive, qu'on tasse aujourd'hui de l'huile d'onction, et nous sommes allés dans le livre d'Exode chapitre 30, nous avons vu que ce n'était pas le cas. Nous avons vu effectivement, nous recevons encore un autre SMS sur ce plateau. Je suis dans une cellule de prière, qu'on m'a dit que je suis en observation et qu'il y a un chef au-dessus d'eux. Voilà autant de choses qu'on va voir. Vous voyez, je suis dans une cellule de prière, qu'on m'a dit que je suis en observation et qu'il y a un chef au-dessus de dormir. J'ose vous croire que cette personne n'est pas enceinte pour être en observation. Bon, ici, il y a des problèmes dans un groupe de prière. Ce n'est pas un chef qui est au-dessus de nous. Nous allons voir également dans la notion de l'église. Nous voyons effectivement que l'église était dirigée par un groupe collégial. C'est une notion qu'il faut également que nous abordons dans un autre SMS. Bonjour, pasteur. Que pensez-vous du parler en langue et comment distinguer le bon du mauvais? Bernard de Banjoun. Nous saluons comme ça tous les auditeurs du Kunki, du département de Kunki, et particulièrement à Bena et à toute sa famille. Faites comme lui, envoyez vos SMS au 676-10-37-83, le 694-35-20-87. Il y a des enseignements disponibles, Bena. Vous appelez à ce numéro exactement, vous recevez cela, ou bien vous allez sur le site YouTube, le YouTube Bamba, et vous allez voir l'introduction au parler en langue et le parler en langue d'aujourd'hui, la nécessité de distinguer. Il y en a plus de 400 enseignements là-bas pour votre édification. La trompette sonne dans 10 minutes exactement, alors qu'il est 14 dans cette studio. Dans 10 minutes, nous serons partis de ce studio. Continuez à envoyer vos SMS. Donc, le parler en langue, il demande, que pensez-vous? Comment distinguer le bon du mauvais? Dans 10 minutes, nous ne pourrons pas épiloguer sur cela, mais dans des émissions suivantes de la trompette sonne, nous allons brocher et toucher tous ces coins-là. Et nous remarquons bien, Bernard, c'est comme vous-même, vous l'avez signifié, comme vous le savez, le vivez dans les assemblées. Vous voyez ces charabias qui sont bavardés, et à tort et à travers, tout le monde bavarde, nonobstant les commandements des saintes écritures dans 1 Corinthiens chapitre 14. La Bible déclare qu'au maximum deux ou trois parlent et que les autres interprètent. S'il n'y a pas un interprète, qu'on se taise. Mais dans des assemblées, vous voyez même à la télévision, des conducteurs, ceux qui se disent établis des dieux, des grands apôtres, des docteurs, PhD, qui fréquentent un ancien école de théologie ou un des apôtres, qui passent le temps et demandent aux gens de prier, et toute une assemblée de 30 000 personnes prient et il n'y a point d'interprétation. Donc les gens sont aujourd'hui au-dessus des Écritures. Encore que ce n'est pas cette langue-là dont la Bible parle. Donc vous allez avoir ces enseignements-là sur les ondes ou bien en appelant ce numéro. Donc frère Achille, avant de prendre ces légères pauses qui nous a servi Ecclésias et Sceaux, nous avons vu que dans l'ancienne alliance il y avait trois notions, le temple, les sacrificateurs et la sacrificature, et nous avons vu la même notion maintenant que Christ, Jésus notre Seigneur, est le temple, le sacrificateur par excellence et le sacrifice. Et nous avons également vu que les chrétiens également sont le temple, les sacrificateurs et puis des sacrifices. Et là maintenant, dans ces cas, ça commence à poser encore un autre problème maintenant, puisque les gens vont dans l'ancienne alliance, puisque nous avons touché l'huile d'onction, nous avons touché la notion des divisions dans l'église, nous avons touché le fait qu'ils se divisent, ils se mettent à part avec les écoles pastorales avec les différents les cannes comme les catholiques, ils ont maintenant les pourpres, d'autres sont en blanc comme l'autre auditeur l'a signalé, d'autres ont le noir, ainsi de suite, des robes avec des toges de sortie, des toges d'entrée et des toges des différents grades à l'église, comme exactement comme chez les mondains et comme chez les militaires. Maintenant nous avançons sur un plan, la notion du temple. Aujourd'hui vous entendez les pasteurs disent qu'ils ont construit des temples, nous comprenons un grand temple, l'autre appelle cathédrale, l'autre appelle le pilier de la foi, l'autre appelle maintenant l'arche des Noé, ainsi de suite. Il y a tellement de noms comme notre frère du Fumban le signalait dans son appel, le frère Léopold qui a appelé au 243 720 206. Alors la notion de temple aujourd'hui, nous avons vu que Christ est le temple comme il a dit dans Jean chapitre 2, nous avons vu que les chrétiens sont le temple. D'où vient-il donc le temple, la nécessité de temple en milieu chrétien? Est-ce que c'est biblique? Non, pas du tout. Le temple n'est pas biblique. La preuve suffisante, c'est que d'après la révélation qu'a porté le Seigneur, on se rend bel et bien compte que il n'y a plus de notion de temple aujourd'hui parce que le temple se retrouve en Christ. D'où la confusion de notre frère qui a appelé en posant la question l'église. Et vous avez vu qu'il semble avoir des confusions entre ces choses dans le lieu de prière avec l'église véritable du Seigneur Jésus-Christ. Tout à fait. Et c'est à cause de ça que nous avons commencé par dire sur ce tableau que, sur cette émission que le problème du chrétien, c'est qu'il s'est éloigné de la vérité. Oui. Et la vérité se trouve où? Dans la parole. Il s'est éloigné des Écritures, oui. Des saintes Écritures. Oui. Voilà. Et dès lors qu'il s'est éloigné, le monde, en fait, les soi-disant pasteurs l'ont donné à quoi? À la réalité et oui. Non la vérité. Oui. Voilà, par exemple, un autre qui dit là que, qu'on fait comment? Qu'on les empêche de lire les Écritures et on leur donne les parchemins pour lire. Pour oui. Les faciliter. En fait, derrière ce parchemin, par exemple, il y a ce voile-là oui. Pour le dompter à croire seulement ce qu'il dit. Oui, parce que c'est seulement ce qui sera écrit là qui sont. Voilà, ils seront obligés de lire et de comprendre tout simplement ce qu'il a dit. Est-ce que les saintes écritures sont tellement éloignées comme la Bible déclare que c'est au ciel? Est-ce que c'est au ciel? Est-ce que c'est loin? Est-ce que c'est loin pour que les gens puissent avoir la Bible? Ils déposent la Bible pour lire autre chose. Mais c'est à cause, en effet, c'est au fond, c'est parce qu'on les a domptés. Ils oui. Sont dans l'ignorance. On oui. Les a confondus. Oui. On les a fait croire que c'est des pasteurs qui ont la révélation, c'est des prophètes, or qu'ils oui. Ne savent pas qu'en vérité, la parole du Seigneur appelle tout le monde. Comme le premier auditeur qui a appelé parler de la cupidité pour mobile, nous voyons oui. Effectivement que les gens font comme ça dans leur assemblée pour vendre ces choses-là, pour que les gens lient au fur et à mesure. En effet, c'est le mobile de quoi? De ces lourds ravisseurs. Oui. Ils sont Cupide, oui. Voilà. Donc, ils font n'importe quoi avec l'argent. En fait, que ce soit pasteur, apôtre, prophète, dès lors qu'il écrit des parchemins en disant que c'est pour faciliter la tâche, est un lourd ravisseur. Oui. Derrière, c'est la cupidité. Parce puis il te donne le désir de lire. Puis tu lis, tu crois qu'il a raison, et plus tard, il te vend. Il oui. T'oblige à vendre. Il demande d'acheter. Il demande d'acheter pour tes frères, pour oui. Tes soeurs, pour tes collègues. Et comme tu es assoiffé, en fait, c'est pour fermer ta pensée là-dedans. Oui. Dès que ta pensée est fermée, il te demande d'acheter. Il achète pour tes frères pour devenir riche. Mais ils disent qu'il faut soutenir, on fait comme ça pour soutenir l'œuvre de Dieu. Mais qui nous montre dans le passage de l'Écriture, Dieu est-il impuissant pour soutenir son œuvre? En fait, qui les envoie dans l'œuvre du Seigneur? Oui. Du haut des cieux, il fait son œuvre au travers de qui il veut, comme il veut. Oui. C'est pourquoi il a donné les cinq dons ministériels. Oui. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs. Le but, c'est pour édifier le corps. Et nous allons voir cette notion-là demain à partir de 15h et à partir de 15h pour comprendre effectivement le fonctionnement dans l'église. Oui, continue, oui, c'est pourquoi il a accordé la grâce que sur cette émission, on commence par décortiquer afin de donner l'éclairage. Oui. Comme maintenant, là, je vais m'adresser aux saints. Oui. Par exemple, ce jeune homme, qu'on lui donne le parchemin. Voilà l'autre qui a dit qu'il est dans une assemblée de prière et on dit même qu'il est en observation. Oui. C'est des paroles vraiment insensées. C'est fracassant. Puisque c'est, ça fait mal d'entendre oui. Cela. Pourquoi ça arrive? Parce que vous vous êtes éloigné de la parole. Et on a dit qu'il y a un chef dans le celui de prière. Oui, dans qui est le chef? Qui est le chef des chrétiens si ce n'est Christ? Voilà. Alors si on dit qu'il y a un chef, on vient de te dire qu'en vérité, ce n'est pas ce que tu vois qui est vivant. Oui. Il y a quelque chose derrière cela. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu es en observation, par exemple, on veut ainsi te dompter, oui. Te donner le goût pour te tromper. C'est oui. Exactement comme la publicité. Qu'est-ce que cette personne, si pour répondre à sa question, qu'est-ce qu'il doit faire? Ce que tu dois faire, bien aimé, c'est quitter ce lieu. Oui. C'est quitter ce lieu et oui. Prendre ta parole, la Bible en main, tu lis. personnellement. Non, mais l'autre premier auditeur a dit qu'il va dans tel lieu s'embrouiller, telle ou telle chose. Dans cette brouille-là, les gens ont comme l'impression qu'il faut nécessairement aller dans des lieux de prière pour prier, là où il y a les campagnes. Non. En vérité, j'ai dit c'est à cause de l'apparence qu'on les a donnée. Oui. Mais ce qu'il faut faire, oui, bien aimé, oui, c'est retourner à la parole. Si vous prenez le livre de Matthieu au chapitre 5, 6 et 7, oui, vous verrez que le Seigneur a résolu ce problème. Oui. Il a dit clairement que si tu veux prier, ne multiplie pas des vaines paroles. Oui. Ne dis pas ce qu'on t'a enseigné de dire notre Père qui est au ciel, que ton nom. Ne dis pas ces choses, mais parle où et comment. Entre dans ta chambre, oui, ferme la porte, assieds-toi face à face avec ton Seigneur. Oui. Parle, parle ce qui est sur ton cœur. Il dit, ton Père, notre Père qui écoute dans les lieux, dans le secret, va t'exaucer. Oui. Or, aujourd'hui, puisque le méli-mélo est passé par là, ce qu'un chrétien est censé faire, vous qui voulez connaître, rencontrer le Seigneur, n'allez ni à gauche ni à droite, ne cherchez aucun pasteur, oui, entrez dans votre maison, chez vous, avec la parole. Ça me permet de poser encore une autre question, frère Achille. Nous avons 1 minute 30 secondes là, mmh, qui nous a encore accordé par la technique, mmh, et Dieu merci pour Ecclésiaste et je voulais poser une question. Est-ce que dans cette voie, nous lisons la Bible que tout le monde a à la maison, oui, y compris ses pasteurs, oui, est-ce que le Saint-Esprit qui est censé conduire l'église conduit encore l'église, conduit les gens pour laisser les gens dans le faux comme ça? Voilà un cas. Si tu ne comprends pas, par exemple, que c'est le Saint-Esprit qui est censé t'éclairer, oui, tu vas quitter le Saint-Esprit pour mettre ta confiance à un homme. Oui. Et par contre, l'homme va te dire en erreur. Oui. C'est pourquoi il faut revenir entièrement au Seigneur. Comme je disais dans mes propos, si tu entres dans ta chambre, oui, ayant le désir de connaître la vérité, tu, oui, veux par ricochet comme ça inviter le Saint-Esprit pour t'éclairer. Oui. Donc en entendant tes prières et t'adresser tout simplement au Dieu vivant, oui, il va t'exaucer. Voilà. Et on a quoi? L'Écriture nous montre que le chrétien ne croit que dans l'enseignement des apôtres et des prophètes. Oui. Donc il faut que le Seigneur te révèle son apôtre et ses prophètes et ses pasteurs, ce qu'il a établi. Ainsi tu es sur la bonne voie. L'émission c'est La Trompette qui sonne, la radio c'est 94.0 FM. Nous émettons depuis Bafoussam. Le thème d'aujourd'hui était comprendre la notion des sacrifices afin de saisir le plan de Dieu dans l'église. Demain, plaise à Dieu, au dimanche, nous continuerons cette émission à partir de 15h jusqu'à 17h. Nous aurons 2h pour éplucher les derniers instants de ce thème qui est ô combien important au milieu de l'église. Ecclésiaste Esso était à la technique, à la réalisation, le frère Henri, sur les gendarmes de notre chef de chaîne, Moïse Kanke. Je vous laisse et à demain, s'il plaît, adieu. J'implore ta bienveillance, fais tomber mes offenses, fais lire sur moi ta face, de mes lèvres impures au grand roi. Oh oui, j'ai péché contre ta loi, et mes crimes et mes fautes éternelles, tu peux les effacer, Seigneur. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie.